Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bilan de l'été 2018 du podcast Movies Nerd. Ça fait 3 ans qu'on le fait, 3 ans d'affilée. On a un peu de retard cette année, mais j'ai vu l'année dernière, on l'avait posté le même jour qu'on enregistre aujourd'hui, donc ça va en fait, je me suis dit on n'a pas tellement de retard que ça par rapport aux dernières années, donc on enregistre aujourd'hui le 16 septembre 2018. J'essaierai de le sortir le plus rapidement possible, voilà. Pas mal de films, enfin Morgan va parler de pas mal de films. Ouais, on speed un petit peu sur certains, mais bon. Ouais, mais on a quand même un petit programme, même si je pense que avant de commencer ça, on va peut-être dire ce qu'on a pensé de l'été, même si on n'a pas vu beaucoup de films. Je pense qu'on a un peu tous le même bilan, mais ça on fera juste après les présentations. Moi c'est Axel, votre hôte comme d'habitude, et j'ai le plaisir de retrouver après 2 mois d'absence mes compatriotes sur le podcast Movies Nerd. Donc en commençant par Morgan, puisque vous l'avez déjà entendu, salut. Salut. Comment tu vas? Je vais bien, hein. Un bel été, je suis revenu tout bronzé des vacances. Moi je suis un peu déçu parce que dans la rue j'ai pas vu des fans, on m'a pas reconnu. Pourtant j'étais à Toulouse, une ville assez urbaine. Après je suis allé sur l'île d'Oléron, bon là-bas c'est peut-être un peu plus confidentiel, mais non, pas de fans qui m'ont demandé d'autographe ni de faire des selfies. Non, mais... je suis un peu déçu quand même, mais bon c'est pas grave. Hein. Morgan, dois-je te rappeler que nous faisons un podcast audio non, et pas vidéo, donc c'est un peu compliqué de te remarquer. Oui, c'est vrai, mais si on me suit sur les réseaux sociaux, on pourrait être énorme, mais bon c'est pas grave, mon égo, on a pris un coup. À moins que tu parles tout le temps dans la rue. Et peut-être que tu crois que quelqu'un beaucoup. Qui reconnaît ta voix. Ah, je parle, je chante et je danse dans la rue. Donc, on n'est pas beaucoup à faire ça en France. Donc, logiquement, il n'y en a qu'un. Donc, c'est moi. Donc, dans ces cas-là, venez donc me voir. Ça devrait être remarqué. Ouais, ouais, selfie, si vous voulez. Tout ça. J'ai pas eu beaucoup de demandes. Je suis un peu déçu. Voilà. Bon, ok. Et ensuite, on a Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va. Très bien. T'as passé de bonnes vacances, enfin. Oui, ouais. Je suis en vacances. Oui, t'es en vacances maintenant, c'est vrai. T'as, moi, t'as j'ai bossé pendant les vacances scolaires. J'ai bossé ça. Tout l'été et là, du coup, j'ai mes vacances pendant que tous les gamins ont repris l'école et ça, c'est bien. Et il y a un des gamins dans ce podcast qui reprend l'école demain, justement. Ouais. Bah, c'est bien, justement. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes rencontrés pour la première fois cet été? On l'avait dit dans le dernier. Oui. Ah bon, oui, mais on s'est j'étais vu, peut-être oui. pas là. Ouais. Ouais, on s'est vu, on a mangé une bonne pizza. Voilà. Oui. Voilà. Et non, c'était sympa. Et j'ai eu mes vacances en Alsace. Voilà. Pendant que moi je bossais encore. Ouais. Donc c'était un peu compliqué pour se voir. Je pense qu'on aurait. Enfin, si j'avais pas bossé, on aurait peut-être essayé de faire un peu plus. Mais... on aurait fait une journée, je pense. Plus. Ouais, ouais, sûrement. Mmh. Mais bon, là c'était un peu plus compliqué, mais c'est pas voilà. grave. C'était quand même sympa. Mieux que rien. Oui, voilà. Et puis voilà, c'est enfin tant que tu venais en Alsace, ça va. Mais je me serais senti con quand même de ne pas ouais. quand ce soit pas. De ne pas avoir payé hommage au patron, c'est ça. Bah oui, oui, quand même. Non, c'est pas. Non, c'était très bien. Voilà, donc pour parler du coup de cinéma, cet été, enfin je sais que Eddy et moi-même nous n'avons pas vu beaucoup de films. Moi j'en ai vu 3. Pas beaucoup en salle, moi je sais que j'en ai rattrapé pas mal du coup. T'en as rattrapé quelques-uns, donc on va parler aussi de rattrapage. Et Morgane, pour son quota habituel, a vu moins de films, voilà, on va dire ça. Mais oui, je suis pas allé beaucoup au cinéma à cause des vacances, et puis voilà. Ouais. Et puis on peut peut-être aussi le dire à cause du programme qu'il y a eu cet été, c'était pas non plus dingue. En fait, j'ai l'impression que chaque été, on se fait un petit peu la même réflexion. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de films, beaucoup de promesses, et au final, peu de choses marquantes à l'arrivée. Ouais. Finalement, il y a peut-être on va dire 2 films qui se démarquent, mais alors le reste, c'est que de l'anecdotique à mort, quoi. Il y a des gros navets, on va en parler. Il y a des films qui promettaient un petit moment sympa, puis finalement c'est largement dispensable, même voilà. Il y avait des films qui promettaient énormément et finalement je suis sorti de là en me disant bon bah un peu déçu. Donc je trouve que j'ai pas eu la claque, enfin si j'en ai eu une, c'est tout. Normalement l'été, enfin j'ai un grand souvenir de l'été 2016 avec Dernier train pour Busan. Il y avait plein de films à ce moment-là. Ouais, ouais. 2016, mais on est en 2018. Ouais. Et l'année dernière, je me souviens plus, mais c'était pas un mauvais été non plus, mais c'était pas. Oui, quoi, l'année dernière. Qu'est-ce qu'on avait eu? On avait 200 battements par minute, pardon. 120. 120 battements. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Y avait des films sympas comme Seven Sisters, ouais, mais... c'était vachement bien. Il y avait des films sympas, quoi. Mais là, je. Mais pas des choses vraiment marquantes. Par exemple, je sais qu'en 2015, le film qui avait marqué notre été, c'était vraiment le Mission Impossible Rogue Nation, pardon. Oui. Qui avait vraiment sauvé l'été 2015, qui était encore pire. Enfin, vraiment, là, c'était en plus d'avoir des. Pas beaucoup de films super, on avait aussi des grosses merdes genre Terminator Genesis, etc. Ouais. Donc, non, voilà. Bah, l'année dernière, enfin après, cet été, cet été est assez confidentiel, il n'y a pas énormément de gros films qui ont vraiment tout pété, à part un, on va dire. Voilà. Mais, ouais, non, sinon, c'est vrai que là, je revois l'année dernière, il y avait Dunkerque, il y avait The Amazing Spider-Man qui était pas mal, Que Dios nos perdone, il y avait Wind River, ouais, qui était bien, Seven Sisters. Annabelle 2, Baby Driver, enfin il y avait quand même des trucs là. Ouais, là voilà, il y a pas vraiment non plus un film vraiment super marquant, quoi. Ouais, ça me rappelle un peu, ouais, comme je dis, l'été 2015, oui, avec Mission Impossible comme seul, on va dire, réconfort. Sauveur. Comme seul sauveur, ouais, c'est ça. Ouais. Et dis-toi, enfin toi, comme t'as vu qu'un seul film en salle. Le reste ne devait pas te. Bon, enfin, ouais, puis pas trop le temps non plus, en ouais. fait. Mmh. Ouais. Donc, non, okay. à part un certain film d'animation. Oui, voilà. Voilà. Ok, bon, ben voilà, maintenant on a fait rapidement le bilan de cet été, donc un été assez moyen, mais il y a quand même des petites pépites dans cet été moyen, on va dire. Donc, on va commencer tout de suite avec un film qu'on a vu tous les trois, et heureusement, parce qu'on l'attendait tous énormément. C'est Les Indestructibles 2, donc toujours réalisé et scénarisé par Brad Bird, sorti le premier en 2004. Celui-ci, il est sorti le 4 juillet 2018. On continue directement dans les. Enfin, l'histoire continue directement après le premier. On est directement plongé dans l'histoire. Et je vais peut-être laisser la parole à Eddy, puisqu'il a écrit une critique aussi sur le site, donc vous pouvez aller la voir. Qu'est-ce que tu as pensé de Indestructible 2, et est-ce que ça. Est-ce qu'il a. Par rapport à tes attentes, est-ce que tu as été comblé? Voilà. Oui, parce que Brad Bird arrive à relancer le truc tout en le réinventant. Donc du coup, c'est cool, quoi, parce que c'est à la fois une vraie suite du premier, mais c'est à la fois un vrai film à part aussi. Et moi, je pense que c'est ce qui fait vraiment sa force, en fait. Ouais. Donc voilà, principalement, ce serait ça. Après, évidemment, c'est du Pixar, donc l'animation, c'est fou. Comme d'habitude, et puis qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Enfin, en soi, c'est au-delà de ça, je pense même qu'on pourrait dire c'est une vraie comédie, parce que c'est très moi je me rappelle du court-métrage qu'il y avait eu sur Jack, ouais, le court-métrage justement avec sa babysitter, et on est vraiment dans cet esprit là en fait, et c'est génial parce que c'est un personnage qui pourrait paraître anodin, c'est le bébé de la famille, quoi, et on se dit que ils arrivent vraiment à en saisir tout le potentiel pour faire c'est un peu le défouloir, en fait, ils peuvent tout se permettre, et ça rend très bien. Et ensuite le scénario, moi je trouve que tout tombe en fait sous le sens, ouais. Les enfants grandissent, le père de famille qui fait sa petite crise de la quarantaine, enfin c'est vraiment c'est très bien écrit, et en plus, et ça se réinvente, quoi. C'est pas exactement comme le premier, même si forcément il y a plein de liens. Ouais. L'univers, c'est le même. Donc c'est un film qui passe vraiment. C'est comme une suite devrait être tout le temps, quoi. C'est une suite qui passe vraiment à la deuxième pour y aller, ouais, à fond. Là, et avec les avantages d'avoir un film d'animation, donc les acteurs ne vieillissent pas. Exactement. Et du coup, oui, c'est forcément, c'est. Comme beaucoup de suites, c'est plus axé sur l'efficacité. C'est moins dans. Ben, on pose pas d'univers, donc forcément, on peut plus se concentrer sur l'action. Mais c'est ce qu'on attend aussi d'un film comme ça. Et c'est pas pour autant, je trouve, que le propos n'est pas là derrière. Ouais. Donc voilà, moi j'ai été ravi par ce film et je le reverrai avec beaucoup de plaisir. Ok. Morgane, toi? Moi j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai même adoré, je trouve que c'est peut-être la suite de Pixar la plus réussie avec Toy Story 2 quand même, parce que c'est vrai que Pixar et les suites, des fois ils ont quand même du mal, hein. Le monde de Dory, moi j'avais quand même été un peu... J'avais Bah, pas Dory, détesté, mais... il est très bien en soi, mais c'est vrai que Ouais. c'est pas mémorable, quoi. Après, c'est un film qui a un potentiel sympathie tellement énorme Oui, que de du base, parce qu'on coup, adore le c'est ça en personnage. fait. Voilà. Là, Et c'est vrai que après. c'est pas, y a pas l'ambition derrière, quoi. C'est ça, voilà. Là, pour le coup, Les Indestructibles 2, c'est quand même un film où il y a une ambition formelle derrière. Il y a un vrai désir de cinéma, une vraie cohérence par rapport au premier. Et c'est surtout que moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est justement cette cohérence par rapport au premier film. Pour qui j'ai pas non plus, comment dire, j'ai pas non plus la fibre. Parce que je sais que Les Indestructibles, tout premier, c'est considéré, bon. Évidemment, comme un grand film, mais c'est pas le Pixar que je préfère, on va dire. Je l'adore, c'est vrai, mais c'est pas celui que je préfère. C'est pas celui avec qui j'ai le plus de rapport intime, on va dire. J'ai pas justement cette. Mais c'est justement là où. C'est ça que j'ai retrouvé dans le deuxième film, parce que je trouve que il est hyper complémentaire au premier. Les personnages ont évolué, même si ça reprend, on va dire. Enfin, oui, je crois que c'est immédiatement, c'est ça. Enfin. Ouais, c'est Oui, directement. ça reprend là où le premier s'arrête, parce que le Ouais. premier s'arrête sur un cliffhanger, en fait, Ouais. un petit peu. Ouais, Enfin, l'histoire est c'est. bouclée, mais il y a un nouveau méchant qui débarque, et bon, on va se dire, bon, c'est un méchant qui est un peu plus anodin, du coup, ça peut se permettre de s'arrêter là-dessus, mais du coup, ça reprend quand même sur ce méchant-là, et ce méchant-là, c'est pas le méchant principal du 2. Après, je pense que c'est pas un spoil, Oui. hein. Et je Et tout Non, le monde l'a vu, c'est de pas un toute spoil. façon. Et je trouve justement qu'on y voit que du feu, parce que moi, c'est ça qui me faisait peur, c'est de se dire, attendez, on est quand même. Il y a eu plus d'une décennie qui s'est écoulée 14 entre le ans. premier et le deuxième. Donc, comment ils vont faire pour que ça passe bien? Et je trouve qu'on y voit que du feu. J'ai l'impression qu'il a fait cette suite-là, on va dire, 4 mois après le premier, quoi. Tellement je trouve qu'il a repris les rênes avec brio, il a quand même l'ambition derrière, la maîtrise de son truc, et toujours avec cette idée de synergie entre les personnages où chacun est complémentaire à l'autre. C'est ça qui me plaisait dans le premier et qu'on retrouve aussi dans Mission Impossible 4, fait par Brad Bird. C'est vraiment un film sur la famille, sur l'esprit d'équipe, sur comment l'un répond à l'autre, comment chacun est indispensable pour que la mission réussisse. Et avec voilà un sens de la mise en scène, c'est hyper Bah, dynamique, c'est Tomorrowland aussi, hein, du coup. Tomorrowland aussi Ouais, d'ailleurs, ouais. Et là, je trouve que c'est vraiment orchestré avec un tel désir de cinéma et c'est tellement pas opportuniste. On sent qu'il y a, il y a vraiment il y avait une envie et une n'y a aucune nécessité de le faire. prétention, surtout, je trouve. Ah, aucune, hein, Brad aucune. Bird, Hein. c'est un vrai créateur et il arrive à rester humble. Oui, Et c'est enfin, on vrai. sent vraiment qu'il est porté, en fait, par. C'est sa créativité qui le porte. Un peu, moi ça me rappelle un peu, ça me rappelle un peu Kubrick ou tous ces cinéastes en fait qui, c'est le film qui passe avant des ambitions personnelles. Enfin, tu sens que c'est des mecs qui ont rien à prouver en fait, qui cherchent pas à prouver quelque chose. Je trouve. C'est Parce vrai, que c'est vrai. Tomorrowland, c'est vrai que c'est un projet qui est très, on pourrait se dire bon, Mission Impossible, c'est voilà, c'est le quatrième segment d'une franchise, c'est Ça pourrait paraître comme étant une commande. Après, je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il avait vraiment envie de le faire. Mais quand je repense à Tomorrowland, qui est quand même une création originale, et là, ça lui tenait vraiment à cœur. Et je pense que bah, il l'a mal vécu, hein, le fait que ça ne fonctionne pas auprès du grand public. Même si le film reste, enfin, le film gagne finalement sur le temps, comme c'était un petit peu ce qu'on Ouais, supposait. on s'en doutait, hein. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu. Le problème, c'est qu'il n'a pas fonctionné au bon moment, quoi. Mais je pense que ça lui a permis de se remettre en cause. De toute façon, c'est pas anodin s'il est revenu à. Bah, À Les l'animation. Indestructibles 2, même si c'est un film génial, c'est la sécurité aussi. Mais du coup, comme tu le dis, Morgane, on a vraiment l'impression qu'il l'a fait dans la continuité du premier, qu'il l'a réalisé juste après. C'est ce qui me fait me dire que. Il avait déjà, je pense, l'idée sous le coude depuis bien longtemps, et Oui, ça se voit. là, ça lui a permis de la ressortir, en fait. Finalement, l'échec de est-ce que ça se trouve, l'échec de Tomorrowland nous a permis d'avoir les Indestructibles 2, je sais pas, mais est-ce qu'il serait revenu, je sais pas. Mais je pense que c'était prévu depuis longtemps, mais qu'il attendait peut-être le bon moment. Et en même temps, les Indestructibles sans Brad Bird. Ouais, non, ça aurait pas été aussi impactant. Et... Même s'il y a d'autres bons réalisateurs chez Pixar, mais je pense que la patte Brad Bird, elle est très particulière. Bah, elle est ancrée de toute façon dans le film et dans l'univers, donc c'est... Ce serait compliqué de se passer de Brad Bird pour faire un Indestructible, je pense. Bah, et puis en termes de ton, Brad Bird, c'est reconnaissable tout de suite, quoi. Tout comme tu vas reconnaître, tout comme tu reconnaîtras tout de suite un film de Kubrick avec la mise en scène ou un film de Spielberg avec la mise en scène aussi. Ouais. Tu reconnais un film de Brad Bird, pas forcément dans ce qui va être mis en scène et tout, parce que bah, Tomorrowland, même s'il y a de belles images, par exemple, il y a des plans qui sont un peu passe-partout. Mais par contre, en termes de ton, en termes de narration et tout, moi je trouve qu'on reconnaît bien en fait ce qu'il fait tout le temps. Même dans Mission Impossible, je trouve que Mission Impossible est vraiment très, il est assez représentatif aussi de ce que Brad Bird est capable de faire en termes de, en technique en tout cas. Je pense que l'histoire lui apportait peut-être un peu moins, même si du coup ça lui a permis de, comme le dit Morgan, de jouer sur la complémentarité des personnages dans Mission Impossible parce que ça reste une équipe. Mais on sent que c'était plus un film sur le. Bah, c'était plus un divertissement, quoi. Ouais. Oui, et puis ce qui est assez curieux, j'ai remarqué avec. Quand j'ai revu Mission Impossible 4 avant de revoir. Je voulais être prêt pour le 6ème. Je m'étais refait aussi Mission Impossible 4 du coup. Et je m'étais dit, c'est quand même bizarre parce que Mission Impossible, il orchestre ça comme un film d'animation. Alors que ces films d'animation, il orchestre ça comme des films de super-héros, on va dire, traditionnels, style Marvel, on va dire, quoi. Et donc, quand il est dans un film live, il a des élans de cinéma d'animation. On a un côté burlesque et tout, dans c'est les vrai. Scènes d'action et tout. Alors que dans les scènes d'action de ces films d'animation, il y a quand même un vrai sens du dynamique qu'on retrouve dans c'est vrai, le cinéma c'est d'action. C'est vrai, c'est totalement vrai, j'avais pas pensé à ça. Quand tu regardes... Je repense, tout le début de Mission Impossible 4, la scène avec le miroir et tout, c'est très animation, c'est très la tempête de sable et tout, c'est très... C'est beaucoup de trucs que tu pourrais te permettre qu'en animation, parce que ça paraîtrait gros. Et oui, comme tu dis, c'est burlesque en fait. La scène, la scène sur le building. Sur le building, le gant qui tombe et tout, lui qui en gros est projeté un peu de partout. Parce que, je trouve qu'on retrouve quelque chose de burlesque et tout. C'est ça qui fait sa force aussi à Brad Bird. Il n'a pas peur d'être noir aussi. Surtout, on en parlait. Il y a toujours une part de sombre dans le propos aussi, je trouve. Dans les Indestructibles 2, il a quand même quelque chose. Il a un ton assez grave par moment. Et c'est con, mais parfois les enjeux dramatiques sont plus dramatiques que dans le dernier Avengers. C'est vrai. Hein. Totalement vrai. Il a un côté un peu flippant quand même. Hein. Il y a quand même des scènes qui sont un petit peu. Je trouve pour un jeune public c'est quand même particulier avec les mais de toute façon pour moi c'est clairement pas les Indestructibles c'est pas pour les enfants je pense que là à moins d'avoir moi j'ai vu la moyenne d'âge dans la salle où j'étais il y avait beaucoup d'adultes hein. Mais oui, parce que c'est un film qui est sorti pendant que nous on était adolescents ou enfants et c'est un film qui s'adresse à nous un peu comme avec Toy Story 3. Pareil, à l'époque, c'était ça Oui, Toy Story, c'est... Voilà. Alors, le 4, par contre, il va pas être pour nous, je pense. Parce que... Non, il va être vraiment accès enfant. Mais en tout cas, je trouve que dans les Indestructibles 2, il y a quand même des moments... Enfin, les scènes avec l'hypnotiseur sont quand même pas rassurantes. Moi qui étais adulte, enfin qui suis adulte, je crois, j'étais pas non plus le plus serein, quoi. Il y a des jeux de lumière assez inquiétants et tout. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un ton très grave qui est, on va dire, assez inattendu quand même. Et qui prouve justement une certaine audace. C'est une alternative aussi à Marvel, à DC Comics, quoi. Il revient. Parce que Les Indestructibles, le tout premier, il est sorti à l'époque 2004. Où. 2004, donc il est sorti, il y avait... Il y avait même pas Iron Man encore. Batman Begins. Non, il y avait Batman. Bah, 2004, la même année. C'est Spider-Man 2, hein, surtout. Il y avait les X-Men, il y avait Spider-Man, il y avait aussi des films de super-héros, mais qui n'étaient pas dans des univers, tout ça. Mais qui avait un ton plus grave aussi, je trouve. Forcément. Mais là, du coup, il sort aussi Les Indestructibles 2. à un moment où les films de super-héros sont un peu, c'est un peu l'âge d'or. Enfin, après on pense qu'on veut. Ou la descente. Ou la descente, oui. Bah, techniquement, c'est l'âge d'or parce que ça cartonne. Voilà, c'est ça. Après, ouais. C'est plus subjectif comme réponse. Mm-hmm. Mais il le sort au bon moment et ça fait du bien. Il y a un côté un peu, c'est un vent de fraîcheur et puis en plus de ça, il fait quand même. Mais on l'attendait plus en plus, nous. En plus, ah oui. Et ça fait du bien. Franchement, c'est un petite bouffée d'air frais et dans le genre et dans tout ce qui est sorti cet été quand même. Quoi. Mm-hmm. C'est un des films qui se démarque le plus. Enfin, c'est le deuxième film qui se démarque le plus. Et le géant de fer était sombre aussi. Hein. Oui, ah bah oui, et plus audacieux, c'est la fin du géant de fer quand même. Voilà. Ok, donc ouais, moi je pense à peu près la même chose que vous, clairement, c'est un film que j'ai énormément apprécié. Le premier, bah, c'était le deuxième Pixar que j'ai vu au cinéma. J'avais vu le premier, c'était Le Monde de Nemo, et après celui-ci. Et donc voilà, ça m'a assez marqué, et là encore, bah, je l'attendais énormément, et je suis très... Enfin, j'ai pas non plus été énormément surpris parce que je savais que ça allait être très bien. Donc voilà, c'est vraiment. C'est vrai qu'il n'y a pas de surprise de ce côté-là, oui, au final, à chaque fois. C'est clair. C'est, en tout cas, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment. C'est toujours un film d'animation, un grand spectacle, mais cette fois-ci, c'est avec des ambitions visuelles encore plus grandes que pour le premier. Je trouve que l'univers est toujours aussi intéressant, avec un mélange technologique avancé, tout en ayant une esthétique très portée sur les années 50-60. Ouais. Ça se développe encore plus dans ce film, et c'est vraiment fascinant à découvrir, en fait. C'est toujours très fouillé visuellement, sans jamais que le spectateur soit perdu à l'écran. C'est une touche un peu birdienne. C'est vrai, non, c'est vrai. Que j'apprécie tout particulièrement, par exemple, comme dans... Ouais, bah, par exemple, Tomorrowland, pour moi, c'est l'exemple parfait de ce que Brad Bird peut faire. Et là, je trouve qu'il fait toujours la même chose. Et c'est du rétro-futurisme. C'est ça. Et moi, ça me plaît énormément. C'est vraiment un univers qui me parle. Donc, je trouve que c'était une bonne idée d'avoir fait une suite directe au premier. On nous balance direct dans le feu de l'action sans aucune explication. Mais pourtant, on ne se sent vraiment pas perdu. Le découpage de la plupart du film en deux arcs narratifs différents est vraiment intéressant à suivre. Ouais. Je trouve qu'ils ont trouvé en fait, la bonne balance au niveau du montage. Entre un qui se concentre sur les exploits d'Elastigirl qui essaie de racheter les actions qui ont causé du tort aux super-héros vis-à-vis de l'opinion publique. Oui, il y a un vrai questionnement. Rempli de scènes d'action époustouflante et quelques moments très drôles. Par exemple, le moment où les enfants appellent Elastigirl en pleine mission alors qu'elle est sur sa moto. Et, c'est vraiment des scènes très cocasses, c'est vraiment assez marrant. Et l'autre partie, en fait, l'autre arc narratif, c'est sur la vie de famille de Monsieur Indestructible où il doit s'occuper des problèmes différents de ses enfants, Jack avec ses nouveaux pouvoirs, Flèche avec ses résultats à l'école. La scène avec le raton laveur, c'est génial. Ouais, non, c'est tellement bien. Et même Edna Mode, ils en abusent pas. Edna Mode, qui est pourtant assez populaire du coup depuis le premier. Oui. Et voilà, elle a sa petite scène, quoi, mais c'est tout. Ouais, mais c'est comme dans le premier, en fait. Elle a sa petite scène, elle lance ses petites piques, comme quoi Elastigirl n'a pas pris son dernier costume chez elle. C'est plutôt. Et c'est lui qui la double en VO, je crois, d'ailleurs. Ouais. Flèche avec ses résultats à l'école et Violette avec une histoire d'amour assez compliquée qui amène souvent des situations très drôles et d'autres aussi assez touchantes et vraiment sincères. J'ai trouvé qu'il y a une vraie émotion dans le film qui se ressent. Il y a aussi cette part sombre, mais je trouve que les relations père-enfant sont vraiment bien développées dans ce film et moi j'ai trouvé ça vraiment assez touchant. Donc voilà. Je trouve que l'histoire est assez intéressante sur la légalité des super-héros et leur impact sur la vie des citoyens lambda. Malgré tout, le scénario ne surprend pas plus non, que ça. Je trouve jamais. J'ai vu tout venir. Ouais. Il manque un petit éclat de génie, un petit peu de folie, pour que cet excellent film, c'est déjà un excellent film, ne soit à la hauteur du chef-d'œuvre qu'est, à mon avis, son prédécesseur. Peut-être qu'il nécessite plus de visionnage pour monter un petit peu à ce rang. Mais pour l'instant, il reste seulement, et c'est déjà très bien, un excellent film. L'identité du méchant est plutôt facile à trouver. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu décevant. C'est un film féministe. Oui, aussi. Mais oui, mais dans tout. Mais justement, c'est pas féminisme, bisounours, rose bonbon. C'est ça. Parce que finalement, même les méchants, voilà quoi. Mm-hmm. On essaye de pas trop. Bah de toute oui, façon, non, mais ceux qui ont que vu j'ai le film, bien ceux qui ont aussi. vu le film comprendront ce qu'on vient de dire. Mais en fait, le fait qu'on soit pas surpris, et surtout après Coco, après avec ses différents rebondissements assez surprenants, je trouve que Pixar avait prouvé qu'il pouvait faire un peu mieux que ça à ce niveau-là. Et bon, c'est une petite déception, mais c'est vraiment rien du tout sur tout le film. Un casting vocal toujours au top, je l'ai vu en VF. Pour moi, le changement de voix ne m'ont pas vraiment dérangé plus que ça. Je bah, que si, Bob, un petit peu, mais bon, après, on s'y fait. On s'y fait, enfin. Ouais, c'est pas non plus extrêmement gênant, je trouve. Les performances sont toujours au niveau du. Enfin, c'est au niveau du premier, quoi. Et on n'a pas encore parlé, mais le truc qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est la bande sonore. Toujours aussi jazzy, avec une pêche de dingue. Des gros coups de cœur pour les thèmes d'Elastigirl, Frozone et Monsieur Indestructible, qui sont super catchy. Michael Giacchino s'est vraiment surpassé sur cette BO, et je pense qu'elle est pas loin d'être ma préférée de toute sa carrière. Je ah oui que ouais, clairement. Le film nous en envoie tellement dans la gueule visuellement que c'est un peu difficile de se faire un vrai avis sur la qualité de la bande sonore à la sortie du film. Mais personnellement, c'est en la réécoutant sans tout l'aspect visuel que je me suis rendu compte du travail de dingue qui a été fait en fait sur la BO. Et voilà, c'est, je trouve que il s'est dépassé par rapport à tout ce qu'il avait. Enfin, c'est un peu compliqué de dire par rapport à tout ce qu'il avait fait, mais voilà, ça c'est pas loin d'être une de mes préférées de toute sa carrière, quoi. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié le film comme vous deux, et voilà, on le conseille énormément. Je pense que si le film vous avait intéressé, de toute façon, il passe encore au cinéma. Enfin, chez moi, il passe encore. Les films d'animation, ça reste souvent très longtemps à l'affiche, surtout quand ils fonctionnent. Ouais. Donc voilà, on vous le conseille énormément. Ok, bon, on a fini sur Indestructible 2. On va essayer de faire un peu plus rapide sur oh le oui, reste. Oui, mais là, ça va être, là, ça va être très rapide, ouais, sur les 4 voilà. Prochains. Bah, les Indestructibles 2, c'était ouais, un peu notre oui. film, non, notre voilà, film du ça. Mois, quoi. Le oui. film coup de cœur de juillet, c'est clair. Donc, Morgane, toi, tu vas nous parler maintenant d'American Nightmare 4. Ouais, on va enchaîner un peu quelques ouais. films, voilà, que j'ai vus un peu, à la, pas à la va-vite, mais je les ai un petit peu enchaînés, ces films-là. Donc, j'ai vu American Nightmare 4 avec... plutôt d'enthousiaste, hein, parce que j'aime bien le 2, j'aime beaucoup le 3. J'aime moins le premier juste parce que je trouve ça con qu'un postulat comme ça, bon vous le connaissez, hein, je vais pas le rappeler, soit raconté dans un film en huis clos. Je trouve ça complètement débile. Alors le 2 avait rattrapé le truc. C'est vrai que voilà, si on me dit dans un film, oui, le meurtre est autorisé, donc en gros c'est un peu le bordel dans les rues, pourquoi faire un huis clos pour nous montrer ça? Donc le premier ça se tenait pas du tout, mais le 2 et le 3 étaient très cool. Le 4 va nous raconter les origines de cette purge, comment, d'où est venue cette idée de purge. Et honnêtement, j'ai jamais vu moi du coup ça. Et bah honnêtement, on s'en fout. Pas que tu l'aies pas vu, mais du film. Parce que franchement, ça n'a aucun intérêt, ça met des plombes à démarrer, mais j'ai jamais vu ça. Et une fois que ça démarre, c'est caricature sur caricature, ennui sur ennui, des rebondissements mais qui procurent zéro effet. Alors que les premiers, il y avait quand même cette idée de, il y avait une tension quand même qui était là. Parce que les deux premiers, oui, parce que le 3 déjà pour moi, il l'avait foiré déjà. Foiré, tu trouves? Le côté oh, politique et... fonctionnait pas, je trouve. Bah le côté politique, c'était un petit peu. C'était un peu c'était grossier, pas une pique à Trump, etc. C'était un voilà, peu mal comme, foutu, voilà, comme le 4, hein. Le 4, c'est pareil. Hein. Non, ouais. Bah non, parce que Trump était pas élu, je crois. Non, mais, non, mais c'était l'année. Enfin, c'était l'année. Ça devait où... être l'année des élections, par contre. Ouais. 2016, c'est en 2016 hein, qu'il oui, a été. Oui, c'était en 2016, ouais. Ouais. Novembre 2016. Ouais, donc c'était l'année des élections. Ouais, il est sorti avant l'élection de Trump. Oui, et puis y avait, moi je trouvais que la dimension politique était plutôt intéressante, et à défaut d'être subtile, elle était là et elle était ce qu'elle est, mais je la trouvais plutôt bienvenue dans un... Au moins le film se démarquait, c'était pas la suite pour la suite. Dans le même genre, j'ai trouvé la saison 7 d'American Horror Story plus pertinente, et encore, c'est pas... J'ai vu que les deux premiers épisodes de la saison 1. Mais là, le problème d'American Nightmare 4, c'est qu'il nous raconte un truc dont on se fout. Il prend son temps, mais je crois qu'il y a au moins 25 minutes d'attente avant que ça démarre. Et le film fait, je crois, 1h35. C'est vraiment cliché. Enfin, l'histoire d'espèces de néo-nazis blonds qui veulent aller. C'est ridicule. Il n'y a rien qui va. La mise en scène, elle est mais vraiment aux fraises. clairement. Aucun intérêt, c'est nul, c'est chiant, mal réalisé, il n'y a aucune tension, zéro. dans le genre suite, je suis allé voir Tamara 2, parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Je trouvais que le premier était un film beaucoup plus profond et beaucoup plus touchant qu'il n'y paraissait. Et la transition, et oui, quand même. Ouais, finalement, ouais, ouais. Et bah, oh, qu'est-ce que j'ai pensé du deuxième ? Bah, à peu près la même chose que le premier. Bon, je suis peut-être moins séduit, parce que le premier avait créé quand même la surprise. En général, ça, c'est toujours ça, les premiers volets qui nous surprennent. Mais là, je trouve que ça fait quand même son job. C'est mignon tout plein, rempli de bons sentiments. Ça dit des choses sur la tolérance. Bon, ça idéalise un petit peu la ville de Paris. Moi qui vais de plus en plus souvent à Paris, je peux vous garantir que bah, je suis bien content de retourner chez moi. Parce que Paris, c'est bien quand on y va en touriste les deux premières fois, mais je peux vous garantir qu'après, c'est un peu chiant. Oui, même. Ouais, c'est un peu étouffant. Même mais en allant en touriste les deux premières fois, hein, moi, j'ai jamais aimé. Hein. T'as jamais aimé Paris ? Je déteste Paris. Moi, c'est... Paris, je ne fais vraiment qu'y passer pour traverser la France, c'est tout. Je supporte pas Paris. Ah, mais... Désolé à hein, tous les parigots qui nous écoutent, mais moi, j'aime pas Paris. On fait tout un pataquès de cette ville et bah, effectivement, à part le côté touristique qui est joli, parce que ça reste une belle ville, moi je... Et pratique, c'est pratique parce que finalement c'est une ville qui dort pas, donc on peut se balader la nuit en métro, tout ça, bon voilà, ça à la limite c'est cool. Mais bref, du coup, donc c'est un film qui remplit bien son contrat, voilà, si vous avez aimé le premier, logiquement le deuxième va passer, si vous avez pas aimé le premier, ne regardez pas le deuxième. Mais il y a quand même voilà, des petits trucs qui marchent, la fin j'ai été ému, je dois dire. Il y a des acteurs qui m'ont surpris, comme Jimmy Labeu, hein, le célèbre podcasteur, ah, oui, là, tout ouais. Ça. Et bah, il est excellent, il est super ouais, drôle dans le ouais, film. Non, mais vraiment. C'est un super bon acteur. Ouais, ouais il est bon. Hein. C'est ironique ou pas ? Non, c'est ah, vrai, d'accord. C'est vrai. Je pense vraiment, même dans ses. Ah, ouais. Enfin, je sais pas si. En tout cas, moi j'ai vu quelques-unes de ses vidéos YouTube et il est vraiment très bon. Il est bon, hein, c'est un bon acteur, hein, franchement. Ouais, on dirait un jeune Benoît Poulvord. Exactement. Ouais. Il a la même énergie et tout. Voilà, et... il a la même énergie, etc. Et ouais. C'est sans faire le cliché du belge, bien sûr. Il y a Blanche Cardin en plus. Ouais. Oui, alors elle a été. Alors voilà, c'est ça, c'est le petit défaut du deuxième. C'est que dans le premier, il y avait des seconds rôles qui étaient assez irrésistibles, comme Sylvie Testu en maman un peu inquiète. Parce que là, hein. Il y a plein de guests en fait. Hein. Ouais, il y en a un. Mais. Salomon, bon, Annie Cordy, voilà. Mais... Désolé. C'est quoi, c'est bien Annie Cordy ? Attends. Ah non, alors, ouais, et alors, ouais. Et pour info, elle est exécrable. Pourquoi ? Ah. Elle est venue à une manifestation à côté de chez nous il y a une dizaine d'années et elle était en province et du coup elle comprenait pas que son siège soit posé directement sur l'herbe et pas sur une estrade machin. C'était voilà. Ouh, okay. Bah, dis donc. Ah bah dis donc. Donc elle a fait un beau chapeau avec plein de trucs dedans mais elle est pas fine la cordie. Ouais. Et bah ouais, justement en termes de second rôle voilà c'est un peu plus faible dans le premier il y avait quand même des second rôles qui étaient assez savoureux là ils sont un tout petit peu transparents c'est un peu mon regret mais ça reste voilà une bluette sur la tolérance c'est ouais, c'est le genre de truc qui serait très bien sur TF1 mais qui aurait pas besoin ouais, de sortir bah, en salle bah il y a Ryan Bensetti c'est estampillé TF1 hein, mais c'est pas mal puis Ryan Bensetti quand même il est intéressant comme acteur franchement ouais il a une tête de petit con et j'arrive pas ah bah. J'arrive pas à me sortir. Ah oui, non, mais c'est Clem et toutes ces conneries là. Voilà, c'est tout. Oui, bah bien sûr, mais après, non, il a fait aussi la finale avec Thierry Henry. Henry, tu racontes Thierry Henry, bien sûr. Non, mais ça parle de. Merde, Thierry Lhermitte, pardon, Lhermitte, voilà, qui est sorti il y a quelques mois et qui était vachement bon. Non, c'est un acteur qui se débrouille. Bon, il est pas mémorable non plus, mais il se débrouille pas mal. Non, tous sont bons, hein, franchement. Mais voilà, c'est un joli film, on va dire. Ça se regarde, okay. C'est pas méchant. Ensuite, j'ai vu Paranoia de Steven Soderbergh. Alors que lui, j'attendais beaucoup. Ouais, déjà aussi, pour ce que ça racontait et pour la démarche. Rappelons que c'est un film qui a été tourné entièrement avec un iPhone. Ouais, donc je me suis dit. Waouh, Soderbergh qui ah oui, fait Paranoia, ça. Ah oui, Paranoia, est-ce qu'on est vu sur Tamara là ? Ah non, j'ai fait une transition. Entièrement tourné à l'iPhone. Steven Soderbergh. Voilà, oui, Tamara 3 par Steven Soderbergh. Ok, si on veut. Donc Paranoia, hein, l'histoire d'une femme qui va se retrouver internée dans un asile psychiatrique contre son gré. Tout était là pour me plaire. Hein. Moi, les histoires d'hôpitaux un peu chelous, c'est mon dada, j'adore ça. Un vol au-dessus d'un nid de coucou. Dédicace. Mmh. Mais là, je trouve qu'il y a un petit problème dans le film, c'est que on m'avait vendu ça comme quelque chose d'assez ambitieux. Alors effectivement, je trouve que le scénario est plutôt bien orchestré, mais j'ai un gros souci, un, avec l'actrice principale, donc Claire Foy, qu'on va retrouver dans Millennium 2 de Fede Alvarez. Qu'on ne retrouvera plus dans The Crown, malheureusement. Oui. Ah bon, elle joue dedans ? Elle joue la reine jeune, mais du coup le casting change pour la saison 3 parce qu'ils font vieillir les personnages. Ah bah oui, c'est mais sûr. C'était prévu depuis longtemps. Ah oui, bah voilà. Bah honnêtement, je sais pas comment elle est dans The Crown, mais en tout cas, j'ai eu un elle gros problème avec elle dans Paranoia. Sincèrement, elle est exceptionnelle. Enfin moi je revois des, enfin déjà physiquement, elle est très très proche de la reine quand elle était jeune. Et elle le joue vraiment très très bien quoi. C'est bah pour moi c'est parfait. Hein. C'est vraiment une des meilleures interprétations que j'ai vues dans une série en tout cas pour des personnages réels en tout cas. Mm. Alors peut-être je laisse le bénéfice du doute, mais c'est vrai que dans Paranoia peut-être que la VF aussi rajoute amplifie ce côté peu. Enfin ouais. Des fois une mauvaise VF ça fait tout. C'est ça. Après je pense que c'est un rôle assez particulier aussi. Hein. Oui, puis c'est pas la seule quand même irritante. On a quand même Juno Temple qui fait partie des actrices que je supporte le moins au monde. Et dès qu'il y a Juno Temple, j'ai envie de cramer mon écran. Je ne peux pas blairer cette comédienne. Je ne peux pas. Ah, je peux pas du tout Juno Temple. Elle m'irrite profondément. Et elle a son rôle dans le film encore plus. Mais justement, j'ai pas ressenti le malaise. Surtout un film tourné à l'iPhone. Je me suis dit, il va y avoir des angles de caméra qui vont un peu vertigineux. Ça va être glauque, ça va être claustrophobique à mort, et j'ai pas ressenti ça. J'ai trouvé que le scénario marchait quand même, mais que la démarche artistique avait pas de valeur ajoutée, il n'y a aucune plus-value. Ça aurait été une caméra normale, j'aurais pas, vu, pas la vu la différence. Ouais. Pas du tout. Donc je trouve que sur le papier c'est alléchant, mais quand on voit le film, c'est un tout petit peu. C'est anecdotique finalement. Je suis pas méga convaincu. J'ai pas passé un mauvais moment, je me suis pas ennuyé du tout. Mais j'ai pas trouvé ça aussi extraordinaire. Enfin, les belles promesses n'ont pas été tenues pour moi. Paranoïa, ouais. Sur grand écran, ça rend bien ou pas enfin, oui, ça rend bien, mais je pense que ce soit sur un grand écran ou sur un petit écran, il n'y a pas de. Par exemple, un film comme Unfriended, je trouve que sur un grand écran, ça a pas vraiment d'intérêt. Ça a pas d'intérêt. Ouais. Ça a pas d'intérêt, y compris le film que j'ai vu hier, Searching. Sur un grand écran, ça a pas vraiment d'intérêt. Mais la Paranoïa, je pense que. Grand écran, petit écran, finalement il n'y a pas de il y a pas de valeur ajoutée selon les conditions de visionnage quoi. Donc, okay. Voilà. D'accord. Et puisqu'on parle de promesses tenues, donc là je vais parler de Skyscraper, donc The Rock dans alors un là, film, vous pouvez être sûr c'est vraiment le film bourrin de l'été là. Ah c'est bourrin, c'est gros, il n'y a rien qui va, mais putain ce que ça fait du bien, est-ce que ça marche vraiment, voilà, quand il y a The c'est Rock Dwayne Johnson quoi, voilà, franchement il escalade une c'est nul mais c'est super cool en fait, voilà, il y a Neve Campbell, donc la fameuse Sydney Prescott qu'on est allé déterrer des tiroirs hollywoodiens, on a des nouvelles de Sydney, ah oui elle est là, hein, elle a fait quelques acrobaties dans le film vu qu'il y a ce fight avec 2-3 méchants. Mais d'ailleurs, il cartonne en plus ce mec. Hein. Il cartonne arrive, Mais après, voilà, ouais. Moi, mais en même temps, je pense qu'il est conscient de ce dans quoi il peut jouer et il a raison, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, puis franchement, ça passe bien. Non, mais c'est surtout, c'est quand même insensé parce que c'est l'histoire quand même d'un gars qui a... Faut que je la raconte. Il a eu un accident suite à un attentat, mais quelqu'un qui s'est fait sauter par une bombe. Il l'a pas vu, du coup, il a perdu une jambe. Du coup, il a une jambe pas en bois, mais il a une prothèse. Donc, du coup, c'est quand même l'histoire d'un mec qui va escalader une grue malgré sa prothèse, quoi. Ah oui, c'est quand même assez énorme, quoi. Ah oui, il escalade une grue, il saute de tour en tour dans un truc en flamme. Enfin, c'est assez gros, mais voilà, c'est à l'image des muscles de Dwayne Johnson, quoi. C'est gros, c'est bourrin, c'est impressionnant. Parfois, c'est pas très joli non plus, mais en tout cas, c'est. Oui, parce ça que marche. San Andreas, ça avait de la gueule quand même. Ouais, quand même, oui. Puis il a quand San même le Andreas, chic de s'en tourner. C'était assez impressionnant. Parce qu'on je l'ai acheté en Blu-ray, moi, c'est pour dire à quel point. Non mais j'ai une sympathie pour ça. Non, pas fanboy, mais c'est vrai que moi j'avais bien aimé. Bon, c'est dans une opération Amazon hein, comme souvent, mais c'est vrai que du coup ça rend bien quoi. Et, oui, puis c'est assez, c'est bien fait quoi. C'est un film qui fonctionne bien en termes de film catastrophe. Oui, bah là, c'est pareil, on est un petit peu dans un mix très popcorn bourrin de La Tour Infernale et de Die Hard, mais finalement, ça fait vraiment son boulot par rapport à ce qui sort cet été, qui remplit même pas leurs promesses. Bah là, je trouve que, franchement, ça fait du bien, j'ai regardé ça, bah, j'étais rincé après, je fais ok, enfin vidé plutôt, je suis ok. C'est oui, après, c'est pareil, hein, tu sais, Die Hard et tout, comment que c'était perçu quand c'est sorti, je sais pas, hein. Ouais, il y avait. Non, mais ouais, ouais, Dayard, je pense pas que ça ait la même ambition là. Non, d'ailleurs, c'était plus ambitieux forcément. Mais là, il y a. Puis d'ailleurs, il y avait de l'humour aussi, c'était drôle. Là, c'est drôle, mais malgré. Ouais, là, ça doit être sérieux là par contre. Ouais, c'est ouais. Un peu sérieux quand même, même si je pense que Dwayne Johnson sait que c'est pas, comment dire, c'est pas Al Pacino quoi. Donc. ça, c'est sûr. Il est très confiant bien, de tout ça. Hein. C'est un mec qui est loin d'être con, hein, Dwayne Johnson, je pense. Bah non. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que moi j'aime bien en fait, c'est parce que bah, de toute façon il sait qu'il peut faire que des trucs bourrins. Donc, ouais, j'aime bien aussi. Il va pas essayer de créer de l'émotion alors qu'il n'y a pas besoin en fait. Puis il est cool, le mec est cool. Oui, il est, puis ouais. C'est ça quoi, c'est qu'en dehors c'est quelqu'un apparemment qui est vraiment, qui est très sympathique, qui joue beaucoup de sa notoriété pour plein de bonnes choses. Donc, c'est le prototype même du gars qui vraiment, c'est le monsieur muscle, mais c'est un vrai sucre quoi. Mm. Un peu comme voilà John Caffey dans La Ligne Verte quoi. C'est le mec qui fera pas de mal à une souris quoi. Jason Momoa aussi, apparemment, il est comme ça. Enfin, quoique, j'aimerais pas l'avoir en tant que beau-père quand même. Hein, parce que je pense que si jamais tu fais du mal à sa fille, ça rigole pas. En fait, de famille, je peux dire qu'avec lui, ça fait droit. Hein. Un coup de poing sur la table, toute la table tremble. Hein. Mais, Mais voilà, il n'y a plus de table. Il n'y aura plus de table, c'est ça. Donc, non, mais c'est le divertissement estival bien, bien crétin qui fonctionne bien. Et voilà, ça fait pas de mal. Ok. Donc maintenant on va passer à un rattrapage d'Eddie. Donc tu vas nous parler. Nous on en avait parlé avec Morgan, il me semble en janvier ou en février quand il est sorti. Ah oui. Et donc toi tu as pu le rattraper pendant cet été. Donc tu vas nous parler de Pentagon Papers, le génial film de Steven Spielberg. Voilà. Exactement. Et bon, qui sera sûrement dans mon top. Hein. Ah ouais. Moi c'est. Parce que voilà c'était. Oui. Bah, excuse-moi. Oui. Non je disais il me semble enfin. Si je réfléchis bien, je pense que c'est le premier pour l'instant dans ma vie. Ah oui. Ouais. Effectivement, ouais. Non, vraiment. Ouais, moi j'ai trouvé ça, en fait, si je devais choisir un adjectif, ce serait virtuose, en fait. Et c'est du grand Spielberg, alors qu'on a tendance à penser que voilà, Spielberg, il fait plus que des films chiants. On nous a prouvé qu'il était capable quand même de revenir à un cinéma d'action. Et de science-fiction avec Ready Player One, même si le film n'est pas exempt de tout défaut. Je l'ai revu, Ready Player One, donc je trouve toujours ça sympa, mais après, c'est vrai que pour moi, c'est pas le film du siècle non plus. Mais là, pour le coup, Pentagon Papers, c'est que c'est vraiment. C'est à la fois hyper prenant parce que c'est très bien écrit, et on sent que. Enfin, c'est des sujets qu'il maîtrise, quoi, ça. En vieillissant, Spielberg, il a vraiment acquis. Enfin, il a toujours été capable de traiter des sujets sérieux, mais on sent que vraiment là, sa grande carrière finalement lui apporte quelque chose en plus dans la réalisation de ces films-là. Et c'est vrai qu'il arrive à allier vraiment, enfin, la finesse dans l'écriture, à la réalisation, à la mise en scène, à la direction d'acteurs et tout. Et voilà quoi. Et c'est vrai que enfin, nous offrir Tom Hanks et Meryl Streep comme ça dans deux rôles aussi bien écrits et aussi bien aussi intéressants à suivre, c'est génial quoi. Moi je me suis vraiment j'ai vraiment été bercé par le film et je suis vraiment en admiration en fait quand je vois qu'on est capable de faire ça sur des sujets qui pourraient paraître aussi chiants et voilà, parce qu'au-delà de ça, c'est qu'en plus, le sujet est vraiment intéressant. Et pourtant, moi, toutes ces affaires, ces trucs-là, c'est vrai que hors documentaire, souvent, ça m'ennuie, en fait. Le côté documentaire me permet de suivre, mais en film, ça a du mal souvent à t'intéresser. Ouais, voilà. Et pour le coup, là, il arrive vraiment à me captiver avec plein de détails. Et c'est pourtant pas hyper verbeux, c'est très simple. Donc voilà, c'est à la fois accessible et vraiment bien fichu et voilà, c'est du grand grand Spielberg pour moi, c'est vraiment. Donc, voilà. Au niveau du dialogue, c'est un peu du Aaron Sorkin mais un peu plus basique, on va dire. Ouais. mais il y a des il y a des scènes un peu la même intensité quoi, mais peut-être moins verbeux comme tu dis. C'est ça. Et Tom Hanks et Meryl Streep, c'est vraiment dans la gestuelle aussi que ça passe, et c'est là qu'on se rend compte que bah c'est pareil, eux ils ont vraiment gagné au fur et à mesure du temps, et pour enfin ils sont, c'est comme le bon vin quoi finalement, c'est ouais, ça hein, ils ont c'est une bonne expérience. Ouais et c'est ça, et c'est génial en fait de voir des grands acteurs comme ça mais toujours capable de se renouveler, et c'est vrai que Tom Hanks à chaque fois moi ça me scie les pattes quoi, c'est vraiment un acteur exceptionnel, et Meryl Streep aussi et elle en plus elle est vraiment touche à tout, elle a joué dans plein de registres différents et à chaque fois voilà elle est capable d'aller dans le surjeu, mais c'est vrai que dans des rôles comme ça elle s'en sort tout le temps bien quoi. Je sais pas si t'avais vu Le Pont des Espions ou pas. Non, mais du coup, faudrait. Parce que il faut vraiment que tu le vois. C'est dans la même veine et c'est tout aussi. Mais moi, j'avais bien aimé hein, déjà tout ce qui était. Alors, c'est plus ancien, mais tout ce qui était Munich. Tout ça, j'avais trouvé ça vachement bien déjà. Ouais. Et c'est vrai que voilà, Le Pont des Espions, franchement, c'est vrai que je le vois. Ouais, mais il faut que je prenne le temps. C'est toujours le souci. Oui, mais ça, voilà, moi, j'en reviens toujours à me dire, c'est dingue quand même que le mec qui a commencé avec des petits films comme Duel ou qu'après, qui a connu la consécration avec tout ce qui était Jaws, Jurassic Park et tout, et qu'aujourd'hui il arrive toujours à garder ce côté popcorn blockbuster qu'il a engendré. Il arrive à le prouver encore avec Ready Player One et à côté être capable de toujours faire des films comme ça quoi, avec une vraie intensité. Et puis c'est surtout que voilà, je veux dire là, il y a une symphonie dans l'image entre l'imprimerie, enfin c'est vraiment c'est très très bien fait, et bravo sincèrement, c'est magnifique. Ouais. Donc tu veux parler de La Nuit a dévoré le monde, oui, rattrapage. Alors que c'est un plus petit film là pour le coup, et c'est français. En fait, c'est con, j'aurais dû faire l'inverse. J'ai vu Dans la brume avant La nuit a dévoré le monde, mais tant pis. Ah, okay. Mais c'est pas grave. Donc c'est un film français avec des zombies. Mm-hmm. Voilà. Donc déjà, c'est suffisamment rare pour être souligné. et ce qui est cool, c'est que cette année, du coup, le cinéma français nous aura quand même offert deux films de genre. Deux films de genre, autres que de la comédie ou du drame. Ou de l'horreur. Bon, là, c'est un peu plus dans l'horreur, La nuit a dévoré le monde. C'est un film sur la solitude, principalement, et qui en traite assez bien, même si, moi, j'ai quand même été assez déçu, en fait. Le problème, c'est que traiter de la solitude, c'est bien, mais le bout d'un moment, c'est que le film ne raconte rien, en fait. Et du coup, les zombies, c'est un peu comme dans The Walking Dead, c'est plus un prétexte qu'autre chose, donc ça me gêne pas en soi. Mais voilà, moi je m'attendais. Mais tu vois des zombies dans le film ? Ah oui, tu en vois, et t'as du gore et tout. C'est, ok, d'accord. Non, c'est très bien. Les maquillages sont très bons, il n'y a pas de souci. Okay. Après, voilà, bon, après Denis Lavante, clairement, là c'est un peu une blague dans ce film-là, ce rôle-là. S'il est nommé au César pour un truc comme ça, franchement, ça n'a pas de sens. Mais voilà, après, oui, c'est très bien mis en scène. Visuellement, il y a une ambiance qui est vraiment excellente. Et l'ambiance générale du film est très, très bonne. L'acteur, c'est celui qui avait joué dans Oslo 31 août. Film que je n'avais pas réussi à regarder parce que je m'étais fait chier. Voilà, un peu franc. Mais l'acteur est très bon. L'acteur est très très bon, et ce film-là n'est pas mauvais, mais moi je m'attendais... Il manque un truc, en fait. Il m'a manqué quelque chose. D'accord. Voilà. Pourtant, j'ai pas de souci avec les films qui peuvent traiter de la solitude ou de l'ennui. Par exemple, j'y arrive avec Sofia Coppola, alors qu'elle est quand même pas réputée pour être la réalisatrice la plus nerveuse qui soit. Mais là, c'est vrai que je sais pas. Il m'a manqué un truc, et je trouve que le film n'a pas vraiment de direction précise. Et c'est ce qui me manque un peu. D'accord. Voilà. Okay. Mais après, je vous encourage à le voir quand même. Ne serait-ce que pour pouvoir en parler, parce que c'est important que des films comme ça se fassent aussi chez nous. Ouais. Et voilà, après, c'est un film qui n'est pas prétentieux ou quoi que ce soit. Hein, donc, c'est pas le film de genre chiant comme la France a essayé d'en faire quelques fois. Voilà. Là, mais le problème, c'est que c'est pas vraiment un bon film de zombies, quoi. D'accord. Okay. C'est un petit peu ce qui est dommage, en fait, je pense. dans le bilan global du film, c'est ça. C'est que bah, il, ça aurait c'est été plus cool, un film sur la solitude que un c'est film ça. De c'est en okay. fait c'est un vrai drame qui est plutôt bien orchestré, mais bah, le problème c'est que son prétexte sert à rien en fait, presque. Ouais. C'est un petit peu ce qui est dommage. Ok. Voilà. Donc on va passer maintenant à Morgane, on va repasser au film de l'été 2018 avec Ant-Man et la Guêpe, film que tu n'attendais pas tellement que ça, mais tu attendais un petit... Enfin, t'avais dit que le film avait l'air intéressant quand on parlait des bandes-annonces. Ouais, ouais, ouais. Et, oui, c'est vrai. Moi, je disais, de là parler jamais de la vie, je vais voir ça. J'en ai marre des films Marvel. J'en pouvais plus d'Avengers, donc tu vas le voir. Oui, mais j'y suis allé et franchement, j'ai passé un très, très bon moment. Okay. Je trouve qu'après Avengers, qui était un peu plus sérieux dans la camaraderie, on va dire, ça fait du bien. Là, je trouve que le premier avait ce défaut qui, de base, était réalisé par Edgar Wright. Et donc, il y a eu un changement de réalisateur et ça se sentait, on sentait bien que c'était un peu le film saboté et qui n'avait pas la personnalité ou la patte de son auteur. Là, je dis pas non plus qu'il y a une patte très marquée, mais au moins on sent que c'est un film qui est fait de A à Z par la même personne. Voilà, je trouve que c'est il y a des enjeux qui sont légers par rapport aux enjeux globaux du MCU. Mais parce que c'est vraiment un film léger, hein. On n'est pas du tout dans un. C'est juste l'histoire d'une personne qui fait de Evangeline Lilly, donc la guêpe, donc qui veut retrouver sa mère. C'est juste ça hein, l'enjeu. Hein. Mais il n'y a pas vraiment. Ça n'a pas d'incidence, on va dire, concrète et énorme sur le MCU. Le MCU, en général. Mais je trouve que c'est là où le film puise sa force finalement. C'est d'être une petite parenthèse bien sympathique, bien rythmée. En termes de mise en scène, il y a des choses qui m'ont vraiment plu par rapport au premier. Il y a un jeu sur l'échelle, voilà, sur le petit, le grand, le géant aussi, le minuscule. Et je trouve que c'est assez ludique finalement. Le héros très charismatique, Paul Rudd. Ouais. Je crois que dans le premier, il était assez inexistant, il avait un peu du mal et tout. Là, je trouve qu'il est plutôt, il fait l'affaire, il est drôle. Vraiment dans l'esprit du Marvel classique, on va dire. Evangeline Lilly, que j'adore. Oui, parce qu'elle a fait, elle était sur Lost, voilà. Elle était sur Lost, mais de toute façon, moi, dans ma tête, je la vois toujours comme Kate Austen dans Lost, hein, vraiment. Mais je l'aime beaucoup, je trouve que le personnage est très bon. Michael Douglas, c'est du Michael Douglas. Ouais. Michelle Pfeiffer fait un peu de la figuration. Je trouve que, bon, ce qui est dommage toujours, c'est ça manque de méchant quand même. Ouais. La méchante est un petit peu fonctionnelle et un peu transparente, même si c'est un peu sa caractéristique principale. Mais je trouve que voilà, c'est un divertissement estival qui fait le job. Et c'est franchement, le pire a été évité parce que je m'attendais pas à adorer, je m'attendais au moins à passer peut-être un moment beaucoup plus sympathique que le premier, et franchement il est bien meilleur que le premier. C'est une suite de qualité que je vous recommande, mais c'est pas non plus le film Marvel ultime, hein, loin de là. Okay. Mais en tout cas, par rapport à ce qui se fait, encore une fois, par rapport à ce qui est sorti cet été, bah, c'est peut-être un des moins pires aussi. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ok. Voilà. Ensuite, tu vas nous parler de The Guilty, film allemand, il me semble. Danois, ok. Danois, ouais. On me l'avait pas mal vendu. Chaudement recommandé. Parce que bah, voilà, la presse était assez unanime sur le film. Il y a eu des retours critiques de personnes qui l'avaient vu dans des festivals et qui m'avaient dit ce film-là vaut le coup. Ouais. Donc, c'est un huis clos. Hein, l'histoire d'un agent de police, enfin qui travaille dans une centrale d'appel, qui va devoir gérer une histoire d'enlèvement, mais on va juste avoir son point de vue à lui. On va pas sortir du bureau, donc tout va se passer au téléphone, mais à aucun moment on va avoir un plan sur l'extérieur, ni voir la victime. On va entendre tout le monde, que ce soit la victime, les personnages autres, les agents de sécurité, les sauveteurs, etc. Donc tout va se jouer là-dessus. Et je trouve que c'est un film plutôt réussi qui tient en haleine. Moi j'aime beaucoup, hein, de toute façon, ce genre de postulat minimaliste qui se passe, voilà, tout ce qui est huis clos. Enfin, ça m'a rappelé un petit peu Phone Game aussi, quelque part, de Joël Schumacher. Voilà. Non, c'est un film qui vaut le détour parce qu'en plus de ça, il amorce quand même une morale assez intéressante sur le sentiment de culpabilité vu que, évidemment, le personnage principal, le personnage qu'on suit, dont je ne me rappelle plus le nom, que ce soit le personnage ou l'acteur, parce que c'est un Danois, donc je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, l'acteur est assez génial d'ailleurs. Ouais. Et le casting vocal est assez génial, je trouve. Parce que sur tu ce genre de film, VF? Il faut quand même qu'il y a des... Bah non, je l'ai vu en VO. Oui. Bah non, cinéma d'art essai. Et je trouve justement que le casting vocal est assez génial. Tous les acteurs qui se suivent au téléphone ont quand même une voix qui très distinguée, très marquante. Tu les reconnais tout de suite en fait. Ouais. On les reconnaît tout de suite et pourtant c'est des Danois. Donc je suis pas très vite, je suis pas trop. Voilà. Non, je sais pas faire l'accent danois, mais vous m'avez compris. T'as pas fait danois deuxième langue. Hein. Non, du troisième d'ailleurs. Mais en tout cas, je trouve que c'est un film intéressant parce que ça dit des choses voilà, sur le personnage est quand même très creusé finalement. C'est pas juste un flic lambda qui est posé là, c'est un flic qui a un passé. Et toutes les actions qu'il va faire, tout ce qu'il va être amené à faire, que ce soit héroïque ou pas, y a une justification derrière, il y a une vraie motivation personnelle et c'est petit à petit qu'on va apprendre des choses sur sa vie et je trouve que ça dit vraiment de choses sur la culpabilité, sur le doute et il y a quand même un petit twist final qui est quand même assez bien amené et pour le coup assez inattendu qui fait quand même revoir le film voilà à l'envers et je trouve que c'est un bon petit film, c'est pas la claque attendue parce que c'est vrai qu'on m'avait vendu ça comme le polar choc mais ça reste un bon moment un bon thriller avec un postulat qui se tient de la première à la dernière seconde. Et voilà. Donc juste une question, de la première seconde jusqu'à la dernière, c'est que un huis clos, on sort jamais. Jamais. Ok. On sort jamais. D'accord. Très bien. Passons à Eddie avec un autre attrapage sur Ghostland. Oui. Oui, bah résultat pas trop vite. Hein. Non, parce que alors justement, si je dis ça comme ça, c'est parce que c'est Morgan en fait qui me l'avait recommandé. Donc il l'avait recommandé de manière générale, donc du coup j'avais suivi, oui. J'avais suivi son impression, parce qu'au départ moi je voulais pas le voir, ça me bottait pas, et voilà. Et du coup, c'était utile. Oui bah voilà, il y a pas oui, y a non, pas mais besoin d'explication. Pas de raison, non c'est que ça me, bon voilà, ça me tentait pas. Et donc je l'ai vu, et bon, j'aurais... J'aurais mieux fait de pas le voir. J'aurais mieux fait de pas le voir. Non, mais c'est surtout que Morgan marque des trucs très intéressants en message privé que je ne dirai pas ici. Donc oui, non, en fait, je ne comprends pas l'avis de. En fait, le film a divisé. Il y a ceux qui, comme moi, n'ont pas compris l'engouement, et il y a ceux qui justement étaient dans l'engouement. Et donc moi je ne comprends pas l'engouement en fait autour de ce film. Je vois pas en quoi ça réinvente le genre de l'horreur ou du thriller machin. J'ai trouvé ça suranné en fait. C'est le genre de truc qu'on a déjà vu mais alors des milliers de fois et dans un style pareil hyper dépassé et en plus avec une espèce de morale dégueulasse. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça raté, en fait. D'accord. Voilà. Okay. J'ai rien d'autre à dire de plus. Très bien. Et j'ai même rien à dire sur Mylène Farmer. Enfin, elle est pas terrible dans le film, mais bon, c'est pas... Voilà, quoi. Enfin, non, mais je sais pas quoi vous dire de plus, quoi. T'as pas aimé, c'est très bien. Voilà. Donc, du coup, peut-être que t'as plus aimé Sans un bruit. Pour le coup, oui. Ouais. Voilà. Donc, un autre rattrapage de cet été. Et là, pour le coup, oui, j'ai trouvé ça beaucoup plus réussi et beaucoup plus ambitieux aussi. Parce que, ne serait-ce que le sujet, et en fait, ça a été vendu un peu comme un film d'épouvante, et c'est pas vraiment ça. C'est plus un. C'est un thriller fantastique, quoi, surnaturel. Ouais. Et là, pour le coup, ça fonctionne très bien. Je suis pas forcément d'accord avec les gens qui disent qu'il y a trop de musique. Moi, j'ai pas trouvé qu'elle était... et forcément, je pense qu'on l'entend plus parce que du coup, les personnages ne peuvent pas parler. Mais moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Non, je trouve que le film est très réussi dans le sens où il joue vraiment bien avec son concept. Et il est bien écrit. C'est un excellent film sur la famille aussi, sur la maternité et sur la paternité, même sur la fraternité. C'est vraiment comment dire, c'est à la fois bien orchestré, bien mis en scène et angoissant juste comme il faut. Il y a des vraies scènes de tension. Et c'est surtout que c'est plein de bonnes idées. Par exemple, les créatures, c'est vrai, c'est assez original. Et ça donne lieu dans le film à des scènes assez fortes émotionnellement et vraiment angoissant, quoi. C'est un film qui est assez qui est assez glauque et qui est assez frontal. Donc ça, c'est bien. Après voilà, c'est pas forcément mon film de l'année non plus, mais ouais. C'est vraiment une très très bonne surprise et je suis bien content de l'avoir attrapé pour le coup. Okay. Donc voilà, donc je le conseille à ceux qui l'ont pas vu. Morgan, tu l'avais vu et je crois que tu avais vraiment bien aimé. Ah oui. Et voilà, et Emily Blunt, oui bien sûr, elle est comme d'habitude, quoi. Oui. Elle est assez exceptionnelle et son mari aussi du coup, qui va jouer là dans la série Amazon. Ouais. Jack Ryan, c'est ça? Ouais, Jack Ryan. Ouais. Voilà. Bon, bah, super acteur. Voilà. Et même les enfants seront très très bien aussi. Donc, non, excellent film. Et qui mérite du coup son succès. Donc, maintenant, il ne faut pas qu'il franchisse dessus, ça ne sert à rien. Mais vraiment, c'est vraiment très très bien. Sincèrement. Ok, très bien. Voilà. Ensuite, le dernier attrapage de cette série, Dans la brume. Ah bah du coup, voilà, Dans la brume, donc qui est sorti avant La nuit a dévoré le monde, qui me tentait, mais évidemment, il n'a pas été diffusé chez moi. Enfin, ouais. Comme la plupart des films que j'ai rattrapés cet été, hein, oui, finalement. Voilà. On commence à être habitué. Et du coup, alors dans la brume, j'ai trouvé ça très bien, mais un peu en fait comme dans La nuit a dévoré le monde, il m'a manqué quelque chose. Alors c'est plus identifiable dans la brume parce que en fait ce qui manque au film, c'est qu'il essaye d'être un peu trop. Il a un peu le cul entre deux chaises. Il est un peu tiraillé entre le survival et le drame familial. Et le truc, c'est que les deux fonctionnent en fait. C'est ça qui est un peu emmerdant, c'est que les deux fonctionnent, mais sans. Le problème, c'est qu'il n'y a pas plus une dimension que l'autre qui existe. Ouais. C'est un petit peu embêtant, parce que sinon, alors après, oui, le film a ses défauts techniques. Visuellement, c'est pas exceptionnel. Mais cette brume, c'est qu'un prétexte, donc c'est pas si gênant que ça. Le casting est bon. Moi, j'ai trouvé que Olga Kurylenko était vraiment très très bien. Et Romain Duris, pareil. C'est un film qui est assez dur, qui est sombre, ça c'est sûr, mais qui est assez frontal, donc ça c'est bien. Et c'est ce qui est encourageant en fait dans le cinéma de genre français, c'est qu'ils n'ont pas peur d'être plus frontal dans. Alors, le cinéma américain se décoince un peu là-dessus, mais c'est vrai que pendant un temps, le cinéma de genre qui était vraiment très frontal, c'était espagnol ou nordique, quoi. Coréen aussi. Enfin, ouais, coréen ou... Asiatique, plus asiatique. Ouais, bah oui, l'Asie ou anglais. Ouais. Mais c'est vrai que les Américains, souvent, c'était quand même assez sage parce que fallait faire du genre, mais qu'ils puissent s'adresser au grand public. On sent que la France veut vraiment faire quelque chose c'est grand public, puisque dans la brume ça reste assez grand public, mais en même temps il y a des passages qui sont pas évidents et c'est bien aussi, donc voilà. Après, ce que je regrette vraiment, c'est ça, c'est que le film ne choisit pas vraiment le ton sur lequel il veut se tenir. Il a le cul entre l'Atlantique, quoi. C'est ça. Et après, par contre, ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur, qui est d'origine qui est québécois, il me semble. Ouais. Lui, non, mais si, c'est même sûr, parce que du coup, on sent une patte, justement. On sent qu'il vient, qu'il est vraiment. Il vient de l'Amérique. Ouais. C'est Daniel Roby, hein, je crois. Je peux pas te le confirmer, mais je crois que c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui, Ok. il est né à Montréal. Donc c'est pour ça. Et c'est vrai que du coup, oui, on sent qu'il vient avec les deux influences. C'est le côté francophone, mais américain aussi. Et c'est ce qui est Ouais. intéressant à voir dans le film. Ouais. Mais d'ailleurs, on en avait parlé dans un parlant cinéma, je sais plus lequel, mais que, enfin, on voit justement que le CNC fait plus de confiance à des films de genre, et on avait parlé qu'ils allaient débloquer des fonds uniquement pour des films de genre. Donc là, ça a l'air de, on a du concret devant nous. C'est plus juste des belles paroles. C'est Après, le problème, c'est que vraiment. là, pour le coup, c'est que dans la brume, comme La nuit a dévoré le monde, c'est des succès qui sont très relatifs. Oui, C'est pas des films qui ont vraiment marché. Après, c'est faut clair. dire que dans la brume, la promo a été assez catastrophique aussi. Donc, Ouais, mais je pense qu'on, enfin, on est on, en France, on n'est pas encore non plus super fort en promo de films. Je trouve qu'on n'arrive pas à vendre bien les films, donc que ce soit par les bandes annonces ou par Ouais. n'importe. Même les bons films français, les bandes annonces, elles sont souvent, elles donnent pas envie, quoi. Bah, elles sont chiantes, quoi. Donc ouais, elles sont chiantes, et on se doute pas que le film est est bon au final, mais et du coup, ouais, on a un vrai problème pour vendre les films, quoi. La seule C'est que un je trouve peu, pas trop mal, là, c'est Un peuple et son roi. oui, Qui est ouais, pas c'est trop vrai, vilaine. ouais Donc, ouais et encore, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'est pas fort là-dessus, ouais. ok. Donc Morgane, toi, tu vas nous parler, enfin, on va repasser à cet été 2018, et tu vas nous parler de Fleuve Noir en premier. Et là, attention, là, les trois prochains films, on va un peu dans les zones sombres. Voilà. Ouais. Donc là, on va faire un petit tour en France avec Fleuve Noir, hein, un Mais on polar qui était en était pas France, hein, parce que attendu. je parlais de Dans la brume. Ouais. Ouais, mais par rapport aux sorties de cet été, évidemment. Et en plus de ça, Fleuve Noir qui est aussi avec Romain Duris, voilà, l'acteur qui parle toujours comme ça dans ses films. Voilà. Non, mais Romain Duris a du mal à avoir d'autres expressions vocales que ça. Voilà, il parle toujours comme Après, ça. il a la voix grave aussi, hein. Mais bien sûr, mais je vais faire plutôt la chronique comme ça. Non, Mais pitié, non. donc un polar. Enfin là, je vais être cash vraiment. Mais ce film est une vaste blague. Il a quand même une réception critique. Enfin, le public aime ce film. Alors, je vais pas tomber dans le discours de, en gros, les critiques aiment. Enfin, quand les critiques aiment, le public déteste et vice versa. Mais là, quand même, je ne comprends pas parce que c'est quand même un film qui a été chaudement recommandé par quand même pas mal de personnes. Ça a été un coup de cœur des labels, je crois, Gaumont-Pathé et tout ça. Enfin, je me dis, waouh, il y a quand même une plus-value quand même. Et effectivement, Sandrine Kiberlain, Vincent Cassel et Romain Duris, beau casting, histoire d'adolescent qui disparaît, tout ça. Je sais pas. Pourquoi pas un film français, ça peut être quand même assez dark tout ça. Et bah que nenni. Alors effectivement c'est dark, mais au bout d'un moment quand tu veux faire que du dark, au bout d'un moment bah ça tourne à vide. Quand tu veux choquer pour choquer, quand tu veux créer du malaise rien que pour créer du malaise, ça sombre dans le ridicule, dans le gros n'importe quoi. C'est un film qui a je trouve 30 ans de retard au niveau de la façon de diriger ses acteurs. Vincent Cassel en flic alcoolo qui fume H24. Sale, qui se lave jamais, avec, on va dire, la dégaine qu'on lui connaît, vraiment le flic beauf, quand il voit son fils avec une mèche, il dit ouais, t'es pas un PD, tout ça. Mais on Ah est oui, on est là-dedans, vraiment, ah oui, clairement. d'accord. Hein. Putain, un On est gros là-dedans, cliché, ouais. quoi. Voilà, Romain Duris en professeur de philo. Oui, c'est de la philo qu'il fait, je crois, ou prof de français, je sais pas. La façon dont il le joue, alors autant j'aime bien Romain Duris dans La Brume, je le trouve très bon, dans L'Arnaqueur il est excellent, mais là quand même on est dans le cliché, enfin il y a des dialogues qui sont d'une banalité, mais comme j'en ai rarement vu, enfin je lis dans mes élèves comme je lis dans un livre, enfin je ne sais pas qui a écrit les dialogues, mais c'est du n'importe quoi, et l'enquête en elle-même, elle est mais ridicule, enfin les rebondissements aussi surprenants soient-ils. N'ont aucun impact, tellement c'est ridicule, c'est chiant, c'est mal joué, on a l'impression d'être devant une parodie, tellement c'est surréaliste la façon dont le film est orchestré. Pour moi, c'est une blague. C'est une blague. Et ça veut choquer, ça veut être le polar viscéral, mais ça l'est pas du tout, quoi. Alors, oui, effectivement, la fin surprend, mais elle est improbable à mort. Elle est juste improbable, j'y crois absolument pas. Je ne crois pas au personnage, je ne crois pas à la manière dont c'est joué, c'est ridicule. Franchement, voyez-le si vous voulez vous taper une petite barre, mais si vous voulez vraiment voir un polar qui va vous clouer au fauteuil, bah, n'y allez pas parce que c'est très compliqué, vraiment, et c'est très gênant. Ok. Ensuite, je vais parler de ma rom. Lui, pour le coup, je l'attendais un petit peu parce que, contrairement à Eddie, j'aime bien André Lamy. Mais contrairement à Axel aussi. Hein. Contrairement à Eddie, mais Axel. Ah non, moi j'aime bien Alexandra Lamy. Oui, oui, c'est Audrey Lamy. Hein. Bah, c'est pas que je l'aime pas, mais elle me saoule en fait. Mais elle peut me saouler comme elle peut me surprendre. Je trouve qu'elle a une palette de jeux qui est un petit peu large. Et en tout cas, dans ma rom, elle le montre un petit peu, mais le problème, c'est que le film. En fait, c'est un beau sujet, mais qui, hélas, a été traité comme. Enfin, dans une comédie. Justement, les comédies, c'est ce qui marche le mieux en France, donc forcément, c'était pour générer plus d'entrées. Donc, c'est l'histoire d'une mère qui va se venger auprès de. Enfin, pour son fils, parce que son fils se fait harceler à l'école. Donc, elle va retrouver un petit peu ses bourreaux et se venger. Ouais. Je trouve que ça aurait été un super postulat dans un film dramatique parce que Audrey Lamy, je trouve qu'elle a un potentiel dramatique qui est. Ou un film de genre, ça aurait été sympa. Ah bah dans un film, ouais, ça aurait pu être sympa. Non, mais même un film très dramatique, voir ouais. Qu'est-ce qu'une mère peut faire quand son fils refuse de lui dire qu'il se fait harceler et elle le sait, elle est au courant, mais elle peut pas lui dire qu'elle est au courant. Donc ça peut être, parce que c'est quand même un enjeu de société assez important, le harcèlement scolaire, on est en plein dedans, hein. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont concernés. Mais je trouve que le traiter dans une comédie, c'est dommage, parce que finalement, c'est une comédie comment ? C'est une comédie pipi-caca, puérile. Au final, alors oui, c'est marrant de voir une maman mettre des excréments de chien dans un cake et le faire manger et tout. Ouais, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, moi, ça me fait pas rire du tout. Je trouve que c'est quand même assez gênant, plus qu'autre chose. Même si Audrey Lamy le joue bien, elle a cette espèce, même dans sa voix, elle a une forme de sadisme qui est un petit peu... Voilà, qui est un peu jubilatoire, elle le joue très bien, elle a un timbre de voix assez particulier, Audrey Lamy quand même, elle a une voix très grave, qui me fait rappeler un peu Dorothée Pousseau d'ailleurs, Eddie, je sais pas si... Bah non, parce que Dorothée Pousseau, au contraire, c'est une voix beaucoup plus aiguë. Ouais, mais de temps en temps, elle peut aller dans les graves un petit peu, enfin, je sais pas, elle a un timbre... Elle a la voix un peu cassée comme Dorothée Pousseau. Cassé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ce qui est dommage, c'est que, voilà, si ça avait été... Dorothée Pousseau, tu vois pas qui c'est ? Non, j'ai dit comme Patrick, la voix cassée comme Patrick. Oui, mais moins agaçante, hein, pour le coup. Hein. Elle est moins chevrotante. Ouais. Non, mais Dorothée Pousseau, c'est Harley Quinn, Axel. Oui, je vois. Oui. Et donc, du coup, j'étais un petit peu déçu parce que finalement, c'est une comédie familiale, familiale plutôt très enfantine finalement. Alors qu'à la fin, il y a une scène d'émotion qui arrive. Oui, non, mais moi, c'est ça avait l'air très pipi caca. Hein, donc, ouais. Ah, ouais. Mais c'est que ça pendant tout le film. Attention, c'est que ça, hein, c'est pipi caca à mort. Et c'est dommage parce que quand on voit une des scènes de fin qui est une scène vraiment qui va dans l'émotion où Audrey Lamy est clairement en larmes, je me suis dit merde, elle arrive à être touchante. Et en sortant, je me suis dit. Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Moi, je pense que c'est pas une mauvaise actrice, mais il faut bien la cadrer. Il faut bien la cadrer, effectivement. Et bah, ce qui est dommage, ils ont choisi la facilité, à savoir la comédie populaire, et finalement, ça donne un film un peu informe, un peu ingrat, qui fait pas avancer le débat du tout. Si, là où elle était drôle, c'était dans Tout ce qui brille. Oui, c'est vrai. Bah, en second rôle, elle est très bien. Et parce qu'elle est beaucoup plus. Voilà, elle est aidée par les rôles principaux. Dans Police, Police, elle arrive à, à jouer. Bon, c'est une micro-scène, hein, mais elle arrive à jouer. Enfin, là, c'est horrible dans Police. C'est affreux c'est très dramatique. Ce personnage qu'elle joue. Oui, et justement, c'est pour ça que je dis qu'elle a un potentiel dramatique qu'il faut qu'elle explore et qui aurait dû être exploré dans un film comme ça parce que je pense qu'un sujet comme celui-ci. Que c'est plus d'impact parce que évidemment les 10 minutes de fin qui sont dans l'émotion ça veut dénoncer le harcèlement et tout et c'est ce qui marche le mieux dans le film et c'est ce qui m'a vraiment le plus plu et qui fait que je vais pas être trop sévère mais c'est dommage parce que choisir l'optique d'une comédie c'est choisir la facilité donc je suis pas convaincu mais voilà Audrey Lamy est quand même excellente. Ok. Mamma Mia. Ensuite, oh déception. Ah oui, mais Mamma Mia, le premier film, c'est l'amour fou. Oh, j'adore putain, ce non. film. Mais bien sûr, il y a rien qui va dans Mamma Mia 1. Oui. Non mais si tu peux le. Pierce Brosnan chante comme une chèvre. Hein. Le regarder et se marrer. Enfin, tu vois, se moquer du film, je suis d'accord. Mais je trouve que, enfin, le film est totalement ridicule de A à Z, quoi. Mais non, c'est toi qui es ridicule. Tu n'as pas de cœur, c'est tout. Non, non, Mamma Mia. Si, c'est vrai. Mamma Mia, en fait, voilà, c'est un. C'est une culture du kitsch, un peu, quand même. Bien sûr, mais c'est que ça. Attendez, il y a des faux soleils, des faux décors et tout. Enfin, ça se voit, c'est tout est fake dans ce film. C'est, mais même, enfin, je veux putain, dire, les même la voix avec de les palmes et les masques. Au secours, mais oui, mais y a... c'est ridicule. Mais c'est ridicule, mais c'est super. C'est niais, mais c'est génial. Meryl Streep, elle est tonne dans sa petite salopette et tout. Pierce Parce Brosnan, que, faut quand même, attends, faut quand même souligner que Morgan n'aime pas Meryl Streep, par exemple, dans des rôles comme La Dame de Fer, mais qu'il l'adore dans Mamma Mia. Mais parce qu'elle chante. Si Margaret Thatcher poussait la chansonnette, je l'aimerais, tu vois. Mais là, elle chante pas. Bah, elle peut plus chanter. Hein. Tu veux qu'elle t'explique en chanson pourquoi elle a fait sauter les îles Malouines ? C'est. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'est ça. Oui, j'attends que ça. Voilà. Au moins, ça rendra le débat politique peut-être plus limpide. Mais non, mais j'aime bien Meryl Streep. Même dans Le Diable s'habille en Prada, elle est un peu dans l'outrance, mais j'aime beaucoup. Voilà. C'est très voilà. Subtil, et c'est éclate, Le Diable s'habille en Prada. Au contraire. Oui. Bon, enfin, elle en joue, mais c'est tout en finesse, je trouve. Ouais, c'est un peu les deux pour moi. Mais j'adore Meryl Streep, voilà, je l'aime beaucoup. Et je trouve que dans le premier Mamma Mia, elle s'éclate. Moi, je m'éclatais. Comme je dis, Pierce Brosnan, il chante comme Julien Clerc, enfin, comme une chèvre. Vous avez su. Oui, Julien Clerc sonne comme une chèvre, on va pas se mentir. Ah, oui, mais enfin voilà, il y a plein de trucs qui n'allaient pas dans ce film. Mais finalement, je l'aime bien. Pourquoi ? Parce que j'aime bien Abba. Voilà, c'est le soleil, l'amour, voilà tout ça. La Grèce. C'était trop bien. La Grèce, voilà, j'adore. Nikos, surtout. Mais N'importe quoi. Et donc j'attendais le 2 quand même. Même si le 2, ça, moi j'aurais préféré qu'on me raconte la suite et non pas qu'on me raconte le passé du personnage de Meryl Streep. Ah c'est ça, en plus, c'est pas ça. Le personnage du cinéma. Oui, c'est le passé, voilà. L'actrice, la jeune actrice qui joue dans Baby Driver, je ne sais plus son nom d'ailleurs, elle joue Meryl Streep. Ah, mais oui. Léa. Non. Non, merde. Putain. Lily Teresa, James. Ouais, Lily James. Lily James. Oh, ah oui, non, Teresa, c'est son nom dans Baby Driver, je crois, un truc comme ça. Non, c'est Lily pas Teresa. Lily James, bah, c'est la Cendrillon live de Disney aussi. Voilà. Ah oui, c'est vrai, oui. Et bah donc elle joue Meryl Streep jeune. Pourquoi ? Je vais spoiler. Parce que dans l'histoire, Meryl Streep elle est morte. Donc du coup sa fille reprend. Alors voyez, comprenez par elle est morte qu'elle avait pas que ça à foutre que de tourner dans Mamma Mia 2. Elle a bien tourné quand même. Ouais, mais une légère apparition en fantôme à la fin. Vraiment. Sérieux ? À la Anakin. Oui, c'est ça. C'est un fantôme. Sérieux ? Mais oui. Parce que dans l'histoire, non mais je vous racontais, c'est quand même sérieux, parlons quand même sérieusement. Dans l'histoire, Amanda Seyfried, l'hôtel a été abandonné. L'hôtel a été abandonné, donc du coup elle reprend le flambeau parce que voilà, sa mère est morte, donc il n'y a plus personne pour gérer cet hôtel, donc du coup elle va un peu. En fait, elle va repenser au passé de sa mère. Voilà, c'est un peu nostalgique. Oh là là, on est triste et tout. Et à la fin, évidemment, tout se passe bien. On est dans une comédie musicale. Donc forcément, l'hôtel va être rénové. Puis on voit Meryl Streep. Je te corrige, on est dans une mauvaise comédie musicale. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est mais non, mais tout se passe. Voilà, tout se passe pour le mieux. Et puis on voit Meryl Streep en mode Mufasa, vous savez, dans le ciel. Là. Enfin, pas dans le ciel, mais elle chante. Elle chante quand même. Voilà. Non, mais c'est cucu, c'est kitsch, tout ça. Mais c'est ça qui m'a déçu dans le film, parce que quand même on passe une heure de temps avec un sentiment de nostalgie et de morosité totale, parce que pour moi Mamma Mia c'est pétillant, vivant, joyeux. Là c'est des personnages qui sont endeuillés et qui chialent pendant une heure, donc du coup je fais ah non, j'ai pas payé pour ça, moi je veux voir des gens qui chantent, qui s'aiment et tout, j'ai pas envie de voir de la nostalgie ou du oh, mon dieu ma mère est morte, c'est triste, et puis entre deux je chante du Abba pour justifier la BO, donc du coup non, mais c'est ça pendant une heure de temps, même si Lily James chante très très très bien, je trouve que la BO est très bien, le problème c'est que le film il est bien à s'écouter mais pas à regarder, parce que pour moi c'est que des mauvais choix. Si ça avait été la suite directe comme Les Indestructibles 2, du premier Mamma Mia, ça aurait été très bien, je me serais fait un plaisir de retrouver toute la bande, mais là finalement non, c'est un film qui regarde dans le rétroviseur, dans le passé, et je trouve que c'est pas la meilleure démarche, surtout pour un feel good movie. Honnêtement, le feel good je l'ai pas eu, j'étais en déprime pendant une heure, mais et encore plus quand j'ai vu Cher, parce qu'il y a la Cher quand même qui joue la grand-mère, donc la mère de Meryl Streep, qui vient chanter deux chansons d'ABBA dans un playback juste monstrueux. Ouais. Faut être honnête, parce que Cher et le playback, c'est pas tellement ça. Ouais. C'est plutôt l'autotune. Voilà, c'est... Mm. Ouais, ouais, bah là, c'est, bon, c'est vraiment le retour de la mamie, enfin de la momie. On a quand même un petit peu lifté. Et finalement, voilà, ça donne un film qui s'écoute volontiers, mais qui se regarde pas. J'étais un petit peu déçu. Je m'attendais à être plus enjoué. Et finalement, bon, c'est vrai, voilà. Mais c'est vrai et que quand plus... tu vois Cher, t'as l'impression que son visage va tomber. Ah bah, on peut dire qu'elle bah, a pris cher, forcément. Mais, non, et puis c'est... Même en termes de BO, c'est pas... Mais, parce qu'il y a des nouvelles chansons. Bon, il y a les classiques, il y a Dancing Queen, tout ça. Et les nouvelles chansons là-bas chansons, il y a non mais les nouvelles ouais. D'autres oui. Chansons qu'il n'y avait pas dans oui, le premier, voilà, des inédites. Pas mes préférées. Ouais, ouais, des inédites. Il y a par exemple il y a Fernando. Moi honnêtement, je suis pas fan de la chanson Fernando. D'ailleurs, la scène est géniale par contre. Je peux pas la raconter parce que je vais pas y arriver, mais la scène est tellement géniale. C'est du ridicule, c'est du kitsch, ça plaira aux convertis. Moi j'avoue, j'y suis allé avec la meilleure des bienveillances. Bah franchement, je suis sorti complètement déçu. D'accord. Voilà. Ok. Ensuite, je vais parler de Rouler Jeunesse. Donc, ouais. Un film. Alors là, ça va être 30 secondes non-stop. Enfin, 30 secondes chrono. C'est Éric Judor qui, en gros, fait son Ciao Pantin. Et je continue à croire que Éric Judor est un acteur absolument génial. Voilà, ne l'enfermez pas dans Éric et Ramzy, tout ça. Il a quand même fait dans des choses. Il a tourné avec Quentin Dupieux. Hein ? Dans les pubs EDF. EDF, tout à fait. Eric Judor, il fait EDF. Hein. Oui, c'est pas le summum de sa carrière, j'imagine. Non, bah non, mais bon. Non, mais il a fait. Non, mais il y en a beaucoup qui disent qu'Eric Judor, voilà, c'est un acteur médiocre. Les Dalton, oui, évidemment, il a fait Dalton, mais il a fait quand même des films avec Quentin Dupieux, ouais. Qui sont quand même. Enfin, voilà, c'est un acteur qui est très intéressant, qui est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. Ah, et là, il fait un peu son Ciao Pantin. Et il s'en sort très bien. Franchement, il s'en sort bien. Le film, c'est un joli premier petit film. Avec qui est plein de bons sentiments mais jamais trop niais, qui va vers l'émotion mais pas jusqu'à tant que ce soit un peu lacrymal et trop sirupeux. Je trouve que Éric Judor, voilà, c'est lui qui porte le projet un peu sur ses épaules. Il le fait très bien. Voilà, j'ai rien à dire. C'est vraiment, si vous aimez Éric Judor, allez-y parce qu'il est vraiment épatant. Voilà. Ok. Bon, on va passer au gros morceau. Ah oui. Il y a que moi qui l'ai vu. Oui, tu voulais dire. Il n'y a que moi qui l'ai vu, le gros morceau, là, à côté. Bah, si. Non, moi aussi. Ah oui. Ah, t'inquiète. Moi, j'ai pas vu. Ah, oui. voilà, gros morceau, donc Mission Impossible Fallout ou Répercussions en québécois. Ah oui. Donc, film de Christopher McQuarrie, sorti en France le 1er août. 1er août 2018, voilà. On retrouve toute la bande. C'est une suite quasi directe du dernier, donc de Rogue Nation, qui était toujours réalisé par Christopher McQuarrie. Et c'est le premier film où il y a le même, enfin le réalisateur qui, enfin le même réalisateur. Et justement, est-ce que c'est pas un souci? Parce que ce qui était bien à Mission Impossible, c'est que chacun amenait sa patte. Mais je trouve que là, c'est justifié peut-être. C'est une suite directe. Ouais. Mmh. Ouais, c'est une suite directe et on est, enfin voilà, c'est, je trouve que on est dans un diptyque carrément. Ça fait un diptyque par rapport au précédent. Mmh. Ouais, ouais. Et que je trouve qu'en fait, il s'est vraiment emparé de la franchise et là maintenant dans ce film, il la maîtrise vraiment de bout en bout. Là où dans le dernier, même s'il est excellent, il y avait peut-être des petites hésitations à certains moments. Là, il sait où il va et il y va à 100%, quoi. Ouais, quasiment. Ouais. Donc, voilà. Morgane, toi, je sais que tu as adoré. Oh oui, bah pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre de l'année. Ouais. Le meilleur film de l'été direct. Oui, ça c'est clair. Et vraiment, ça m'a surpris parce que si je l'attendais, évidemment, parce que chaque film avec Tom Cruise est une attente, mais j'avais effectivement peur de retrouver McQuarrie aux commandes parce que, comme le dit Eddie, la force de Mission Impossible, c'est d'avoir plusieurs réalisateurs différents. Pas que non plus, hein, parce que... Non, parce qu'il y a John Woo quand même. Voilà. Et je suis pas fan du 3. Je trouve que le 3 a des gros problèmes de rythme. Oui, oui. Mais là, je trouve que c'était assez malin parce que y en a qui trouvaient quand même que le précédent Mission Impossible était moins fort que le Brad Bird, que je continue de préférer aux autres. Ouais. même si j'aime beaucoup le premier, mais le film de Radburn quand même me plaît beaucoup plus. Il y en a beaucoup qui disaient que le précédent avait quand même des zones un peu lisses, et je trouve que grâce à celui-ci, il arrive à donner de l'épaisseur à des choses qui en avaient peut-être moins dans le précédent. C'est pour ça que je parle vraiment de diptyque. On a vraiment une évolution logique dans la psychologie d'Ethan Hunt. Et de tous les personnages. De tous les personnages. Je trouve que ça donne vraiment à ce côté. Un peu comme ce que James Bond avait voulu faire avec Quantum of Solace et puis Casino Royale, par exemple. Donc voilà, ça se suit, forcément. Il y a une logique. Que Macquarie reprenne les rênes, ça lui permet de reprendre ces personnages là où il les a laissés, là où un autre réalisateur aurait peut-être fait évoluer différemment. Lui, il a quand même en bagage le précédent film qui lui permet d'aller au bout de son truc. Ouais. Et c'est ça pour moi la force de ce film-là, c'est qu'il va au bout à travers une histoire. Moi, j'ai trouvé passionnante cette histoire, vraiment. J'ai trouvé c'était un vrai plaisir, parce qu'en plus, ça a été tourné à Paris, donc... Effectivement, de plus en plus je vais à Paris en ce moment, donc j'ai évidemment reconnu des lieux, forcément. Et du coup, c'est très plaisant. Et pour une fois, dans Mission Impossible, j'ai bien pour une fois, il y a un méchant. Il existe, ouais. Et il est là, et il est classe. Bon, je sais pas si c'est un spoil de le dire, mais en même temps... C'est peut-être un spoil quand même. C'est peut-être un spoil de le dire. Moi, je préfère pas le dire, parce que c'est quand même... Bon, on va pas le dire, c'est mais quand en même tout cas, une petite surprise quand tu... Non, vous taisez, je vais le dire quand même. Oui. J'ai vu venir quand même. Hein. Enfin, même... Enfin, moi, je vois rien venir. Donc. Non, mais en tout cas, voilà, il y a un méchant qui est là, qui est imposant, qui est identifiable et que je retiens. Et le casting est top. Ouais, il y a Henri Cavill. Enfin, toujours. Ah bah Henri Cavill, il est génial. Franchement, lui, je trouvais que c'était un acteur un peu lisse. Non, non. Mais plus le temps passe et plus il a quelque chose, il crève l'écran véritablement. Voilà, les scènes de combat avec Henri Cavill sont incroyable. Alors déjà, il y a la maîtrise évidemment du réalisateur. Ah puis bon, Henri Cavill, c'est pas un kéké, hein. Les scènes de combat, il maîtrise. Hein. Et franchement, j'ai eu du mal à m'en remettre parce que il y a vraiment cette idée du spectacle, enfin le sens du spectacle, mais en même temps, c'est la continuité. Tout en amenant cette espèce de spectacle démesuré, mais sans jamais tomber dans le cartoonesque, dans le n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est très clean, on sait tous que Tom Cruise fait ses propres cascades, donc ça rajoute quelque chose d'impressionnant. Enfin, moi, je suis sidéré. À chaque fois, je me dis, mais jusqu'où ils vont aller? La première scène, juste avant que le générique arrive, j'étais là, c'est génial. C'est vraiment génial, ouais, vraiment. Ouais. C'est ça qui me plaît dans le cinéma d'action, c'est que Mission Impossible, pour moi, est devenue une saga. Plus les films passent, plus je continue à croire que c'est une saga qui est supérieure à James Bond, en termes d'ambition, en termes en termes de scénario aussi, ça me passionne plus, en termes de personnages. Rebecca Ferguson, elle est excellente aussi. Enfin, Mission Impossible a toujours le chic pour avoir, au moins dans chaque film, sa scène marquante, son moment de grâce. Et là, ouais. Je trouve que le film, ce n'est que ça. Le climax de fin, il est exceptionnel, vraiment. Mm-hmm. Ouais. Donc, pour moi, c'est le meilleur film de l'été, un des meilleurs films de l'année. Hein. Ouais. Moi j'ai pensé à peu près la même chose, j'ai peut-être une petite réserve en plus, mais sinon c'est vraiment un excellent film. L'histoire, comme la franchise nous a habitués, est remplie de rebondissements, fort et bien travaillé. Le scénario est étriqué sans pour autant être trop complexe, donc les personnages principaux du dernier film sont tous de retour, ce qui permet d'étoffer les diverses relations déjà bien développées dans le précédent. Il y a aussi un retour surprise d'un personnage qu'on n'avait pas vu depuis le troisième, qui fait plaisir à voir, même si c'est uniquement pour de brefs moments. Je dirais pas qui, mais voilà, pour ceux qui ont vu le film comprendront. La réalisation est vraiment top, encore une fois. Parfois c'est difficile de savoir s'ils ont été assez fous pour tourner certaines scènes en vrai, ou si elles ont été faites sur fond vert, tellement elles paraissent techniquement et physiquement impossibles à réaliser. C'est ce qui fait vraiment tout le sel de cette franchise, comme tu disais, Morgan. Et qui permet d'encore nous faire croire au pouvoir du cinéma, en fait. Pouvoir magique, on va dire. C'est vraiment nous... Enfin, voilà. On est incrédule devant ce qui se passe sur l'écran. Et on se demande vraiment comment ils ont pu réaliser certaines scènes. Si j'avais vraiment une chose à reprocher à ce film, C'est un bon côté, mais en même temps, c'est un mauvais côté, je trouve. C'est peut-être la densité d'action qu'il y a dans ce film. On a l'impression de ne pas pouvoir souffler et penser à ce qu'on vient de voir, qui était spectaculaire, puisqu'on enchaîne quasiment tout de suite avec une autre séquence d'action qui est encore plus époustouflante. Par rapport à Rogue Nation, qui avait très bien réussi à compartimenter les différentes scènes d'action avec des séquences un peu plus tranquilles, ce qui permettait de rendre les dites scènes d'action plus mémorables dans la tête du spectateur. Dans celui-ci, on nous balance tellement la gueule que le film devient un peu brouillon au bout d'un moment et la fatigue se fait un peu ressentir. Je pense que pour l'apprécier pleinement, en fait, il faudra le voir au moins une deuxième, voire une troisième fois. Moi, je suis pas ressorti de la salle comme pour Rogue Nation avec des scènes précises, par exemple l'avion, l'opéra ou la plongée dans le précédent, mais avec une sorte de mélange beaucoup moins digeste, même si c'est super impressionnant, etc. Je trouve qu'on n'a pas vraiment de pause pour réfléchir et contempler ce qu'on vient de voir, parce qu'on enchaîne directement avec un truc encore plus impressionnant. Voilà. Et la musique est un peu décevante, plutôt banale et sans grand intérêt. Mais sinon, c'est un excellent film, vraiment, les acteurs sont géniaux, la réalisation au top, on sent vraiment que Christophe McQuarrie, il a vraiment maintenant les rênes de cette saga, et je trouve que c'était une bonne idée, en fait, de le garder, parce que c'est le seul qui a pu vraiment développer son idée de la saga jusqu'au bout, parce que à chaque fois qu'on passait d'un réalisateur à l'autre, il avait à peine le temps de s'y faire que le film était déjà fini. Donc là, on a vraiment quelque chose de plus, voilà, de plus gérable, voilà. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Morgan, si t'as quelque chose à rajouter ou pas? Non, okay. tout est clairement. Oh. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, clairement. Ah oui, non, c'est vraiment un excellent film. Moi, je pense qu'il faut que je le revoie une deuxième fois pour vraiment me remettre les scènes. Enfin, moi, la scène, une des scènes les plus impressionnantes, c'est celle où il saute de l'avion. Moi je sais, je me demande vraiment s'ils l'ont fait ou pas, parce que ça paraît tellement incroyable que j'ai du mal à y croire, mais voilà, c'est en fait le sel aussi de Mission Impossible, c'est d'attendre le Blu-ray pour voir le making of et voir si ce qu'ils ont fait pour rendre ça possible, quoi. Voilà, passons à la suite avec Under the Silver Lake. Donc Morgane, tu vas nous parler de ce film. Alors, en quatre mots, je n'ai rien compris. Ok. Mais je sais pas quoi dire sur le film, à part que j'ai rien compris, que c'est pas du tout mon délire. Pourtant, David Robert Mitchell, souvenez-vous, It Follows quand même. Ouais. Dans mon top, tout ça. Mais je n'ai pas compris ce qu'il a voulu me dire. Ce n'est pas du tout ma came niveau cinéma. Je suis allé voir avec une amie en plus. On s'est regardé à la sortie. On s'est dit c'était un peu ennuyeux quand même. Elle m'a dit oui. Il fait quand même 2h20 le film. J'ai dit, t'as compris quelque chose? Elle m'a dit pas du tout. J'ai fait même non plus. Je pourrais même pas dire. J'ai l'impression que c'était assez proche de trucs à la David Lynch un peu. Ça essaye, mais je trouve que. Oui, forcément, on retrouve une patte assez nébuleuse, une étrangeté. Et les côtés Los Angeles, Mulholland Drive, tout ça. Oui, il y a un peu de ça, mais je préfère vraiment quand c'est Lynch qui me le raconte. Peut-être que voilà, le nœud principal de l'histoire me séduit plus dans un Mulholland Drive que dans ce film-là. Là, on parle de film hitchcockien, je vois pas trop le rapport avec Hitchcock. Enfin, il y a tellement de références qui sont brassées, il y a tellement de noms qui sont cités pour justifier que le film soit soi-disant énorme et mémorable. Moi, il m'a juste marqué dans l'ennui total qu'il a provoqué chez moi. C'est-à-dire que j'avais envie de m'en aller de la salle. Si j'étais pas accompagné à ce moment-là, je serais parti, hein, clairement. Okay. Ça a été une torture, ce film. Okay. Mais faut le voir quand même, parce que ça reste une expérience. C'est quand même intéressant à voir. Chacun va y trouver peut-être son compte. Chacun l'analysera de manière différente. Mais alors moi, faut pas me demander un récap. J'ai absolument rien compris. Okay. Donc voilà, je peux même pas aller... Tu peux même pas dire et si t'as pas plu, donc... je me suis ennuyé, clairement. Il y a pas d'autre, c'est pas un argument en soi, mais je n'ai que ça à proposer. Vraiment, je me suis ennuyé. Ok. Donc. Et là, puisqu'on parle de cinéma d'auteur, donc on va parler de Nuit, sa mère, du coup, que j'ai vu aussi et que j'attendais. Et oui, je l'attendais parce que j'aime beaucoup le premier. Je trouve. Il est sympa le premier. Il est sympa. C'est une belle comédie populaire qui avait créé la surprise en 2009. Et là, combien d'années plus tard, 9 ans, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, 9 ans plus tard, une suite avec les mêmes acteurs. Je me dis, tiens, pourquoi pas. Ça peut être intéressant, vu que le premier, il y avait un contexte politique aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire dans le deuxième? Alors, effectivement, on était encore sous Sarkozy. Oui, bah là, dans l'histoire, Sarkozy a été battu par Hollande. Ouais. Donc, du coup, le pro-sarkozyste est un peu dans le mal. Et donc, du coup, c'est Macron qui est au pouvoir. Mm-hmm. C'est nous qui sommes dans le mal. Et du coup, je me suis dit, bah, ça peut être intéressant de voir comment ils vont réussir à faire rire, parce que rire de la politique, c'est un humour cathartique, donc moi, ça me plaît beaucoup, cette démarche. Mais je trouvais que c'était beaucoup plus réussi dans les tuches que dans celui-là. Eh ben oui, c'est dans les tuches, je trouvais ça rigolo quand même, parce qu'il y avait un petit tac la Fillon, tout ça, c'était plutôt rigolo. Mais là, en fait, bah, ça se rapproche le plus de la comédie. D'ailleurs, ce film-là fait un flop total. Le premier a super bien marché, il avait dépassé le million d'entrées. Hein. Celui-là, c'est un flop monumental, il ne marche pas, personne ne va le voir. Mais il n'y a rien qui va, c'est inutile, je ne comprends pas pourquoi il n'y avait pas de nécessité à faire ça 9 ans plus tard. Au final, ça aurait pu être fait un an après, il n'y aurait eu aucune différence à part le contexte politique, mais à aucun moment c'est approfondi, c'est juste je pense que si on prend les mêmes on recommence, mais c'est totalement inutile, totalement, mais c'est pas drôle surtout, c'est juste pas drôle, les acteurs sont mauvais, alors ils ont grandi mais pas leur talent. Hein, Sami Seguir, il fait ce qu'il peut, mais alors l'acteur qui jouait son cousin était déjà exécrable dans le premier, même si j'aime beaucoup le premier. Là, il est ridicule à mort. Et les seconds rôles, pareil, dans le premier, il y avait Valérie Le Mercier, il y avait Denis Podalydès et tout. Là, ils sont là, mais ils font vraiment figuration, quoi. Ouais. Je trouve que c'est dommage parce que moi, je l'attendais, j'y suis allé avec énormément de bienveillance, même si la bande-annonce m'avait refroidi. Pendant tout le film, j'étais juste consterné, vraiment. Donc, non, faut pas y aller. De toute façon, personne n'y va. Donc, ouais, voilà. Ok. On passe à la suite en parlant de politique. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Black Landsman, dernier film de Spike Lee, sorti en France le 22 août 2018 après son passage en compétition officielle du Festival de Cannes le 14 mai 2018. Donc, Black Landsman, l'histoire est très intéressante à suivre, j'ai trouvé. Ça parle d'un policier afro-américain qui est le premier dans la force de police du Colorado, le premier noir en fait, qui est recruté dans la force de police, et il va essayer d'infiltrer le Ku Klux Klan, donc KKK en anglais. Voilà, donc il va se faire passer pour un blanc qui déteste tout le monde. Voilà, c'est un peu le principe du. Un héros, quoi. Voilà. Un héros américain. Un blanc qui déteste tout le monde et donc il va se faire passer. Il va passer fur et à mesure dans toutes les étapes d'intégration jusqu'à avoir sa carte de membre. Voilà, carrément. Et voilà, c'est, l'histoire, je trouve, est très intéressante à suivre. Elle propose quand même une vraie réflexion et pas un côté trop moralisateur qui pouvait être une crainte avec ce type de film. Les personnages principaux sont vraiment attachants. Et surtout, le film, en fait, se permet un peu d'humour qui est toujours bienvenu dans ce genre d'histoire qui est très lourde et sérieuse. Personnellement, si je dois retenir une chose de ce film, ce sont les prestations d'acteurs. Que ce soit John David Washington qui incarne le personnage principal et qui est une véritable découverte personnellement. Adam Driver, vraiment très intéressant dans sa performance d'agent double infiltrant le KKK. Ou encore Topher Grace en David Duke, donc une vraie personne, hein, qui était dans les années 70 et qui est le grand sorcier du KKK, donc ça veut dire le président, entre guillemets. La musique est vraiment sympa dans le film, est très bien balancée entre la bande originale plutôt cool avec des riffs de guitare entraînants et la soundtrack très représentative des années 60-70. Le film n'est pas exempt de défauts, j'ai trouvé que Spike Lee faisait quand même quelques choix parfois de réalisation très étranges qui fonctionnent pour certains mais qui pour d'autres tombent vraiment à plat. J'ai pris l'exemple de la scène dans le dance club, qui est dans la discothèque en français, qui est filmée et montée vraiment bizarrement. Moi, personnellement, en tant que spectateur, j'ai eu l'impression de me perdre totalement sur ce qui se passait à l'écran, et honnêtement, sans exagérer, ça m'est vraiment arrivé. Normalement, je suis pas sensible à ce genre de choses, parce que enfin, j'ai vu du Gaspar Noé, et c'est clairement, niveau secouage de caméra, on est dans du haut niveau, mais là, je sais pas, c'est vraiment tellement mal foutu que j'ai eu l'impression, enfin j'ai eu la nausée au bout de 2 minutes de découpage et de cadrage super intense, alors qu'il s'agit que d'une scène de danse. Je trouve que ce genre de choix artistique, souvent pas très justifié, gâche un peu le film à mon goût. Il y a aussi pas mal de problèmes de montage dans le film. À plusieurs reprises, on a l'impression d'être perdu dans l'histoire, ou alors d'avoir manqué quelque chose alors qu'on n'a pas quitté les yeux de l'écran. Ce qui est un vrai problème, à mon sens, surtout à la fin du film, qui semble un peu bâclé et assez brouillonne. On sent aussi que Spike Lee veut faire des clins d'œil aux événements actuels. Enfin, c'est très clairement dit. Mais il le fait avec si peu de subtilité que ça en devient assez ridicule par moments. Par exemple, le moment où deux personnages parlent du fait que jamais le peuple américain ne votera pour un idiot pareil en tant que président des États-Unis, en parlant d'un autre personnage et en laissant une pause d'au moins 3 secondes pour faire comprendre aux spectateurs. Bah oui, tout le monde sait qu'ils ont voté Obama en 2008. Trump, ça va plaire à Hollywood et aux médias. C'est limite si Spike Lee se met pas devant la caméra pour nous faire un clin d'œil. Bref, Spike Lee, la subtilité, c'est pas son point fort avec ce film. Pour conclure sur mon avis sur le film, il est vraiment plaisant à voir. Pour moi, la grosse force, c'est les personnages et les acteurs qui font tout le film. Le film est plaisant à voir. Les personnages sont suffisamment intéressants pour parer le manque de subtilité et la vision artistique de Spike Lee, un peu étrange par moment, mais ça reste un très bon film que je vous conseille quand même. Surtout, préparez-vous à la fin. C'est assez dur parce qu'il nous montre vraiment des vraies images pendant les événements à Charlottesville il y a un an aux États-Unis, donc les manifestations du KKK, où quelqu'un a foncé dans la foule avec une voiture, enfin bref, voilà, et on nous montre des vraies images, donc c'est assez choquant. Bon, en même temps, c'est la vérité, donc il faut bien le montrer, mais voilà, pas toujours très subtil Spike Lee, mais très bon film. Morgan, toi t'en as pensé quoi? Ah, pareil, j'ai beaucoup aimé, ouais. Même si c'est pas la claque attendue. Ah, oui, oui. On m'avait quand même vendu ça comme c'était la limite une potentielle palme d'or. Ouais. J'aurais peut-être trouvé ça un petit peu exagéré. Un peu exagéré quand même. Mais en fait, je te rejoins parfaitement. Donc j'ai vraiment rien à rajouter. C'est vrai que je trouve que Spike Lee a du mal parfois à aller dans la subtilité. Ouais. Même la fin. Ouais. Aussi choquante soit-elle, je pense qu'il fallait pas non plus montrer des images de Donald Trump. Ouais. Je trouve que ça ne... Ça n'ajoute pas grand-chose. Ça n'ajoute rien du tout, parce qu'il y a évidemment des... Enfin, voilà, il y a des propos déjà très choquants dans le film. On le sait, on connaît les positions de Donald Trump sur ces questions-là, mais je pense qu'on n'a pas besoin de ce film-là pour nous le rappeler. Mm-hmm. Et que justement, les personnes qui sont... pour justement les idéologies un peu limites de Donald Trump, si elles voient ce film-là, forcément elles vont tomber dans le discours du c'est un film en gros un peu ce qu'on appelle ça, vous savez, le côté bobo de gauchiste, vous savez, qui fait la bonne morale. Le problème, c'est ça le truc. Ça se ressent vraiment. Voilà, donc ce qui est dommage, c'est que le film a besoin quand même de poser des noms concrets, des images concrètes sur le sujet. Si on s'est réfléchi, on sait très bien ça. À la base, ça parlait pas de ça. Dans les années 70, enfin voilà, c'est une vraie histoire. Hein, on l'a pas dit, mais c'est basé sur une vraie histoire. Donc, exactement. Et il fait des parallèles avec actuellement. C'est pas une mauvaise idée, mais quand c'est fait subtilement, là, c'est vraiment pas fait subtilement. Donc, c'est dommage, quoi. Et donc, t'as quelque chose à rajouter ou on passe Non, franchement, j'ai rien à rajouter parce que je suis vraiment d'accord avec toi à 100%. Très bien. Eh ben, on va passer au dernier film de ce podcast, qui est Guy, un peu plus léger, j'espère, que Black Klansman. Ouais. C'est toi qui vas nous en parler. Qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, que du bien. C'est une petite surprise, ce film-là, parce qu'honnêtement, je ne l'attendais pas du tout. Mm-hmm. Donc, c'est Alex Lutz, en pleine, on va dire, crise de mégalomanie, qui a réalisé un faux documentaire dans lequel... Il se met en scène, où il interprète le rôle de Guy Jamais, qui est, on va dire, un chanteur fictif, qui aurait existé en France, qui aurait eu une carrière au même titre que Claude François, au même titre que Julien Clerc, que Alain Bashung, enfin tout ça, quoi. Donc un chanteur populaire qui a eu son moment de gloire, qui est à la fin de sa carrière et qui se fait interviewer par Gauthier. Gauthier qui est un jeune journaliste qui serait le fils caché de Guy Jamais, qu'il aurait eu avec une groupie avec qui il aurait couché quelques décennies auparavant. Mm-hmm. Donc c'est Alexius, voilà, qui donc personnage de Guy Jamais, qui répond à des questions, qui fait un peu une rétrospection sur sa vie, sur son métier, voilà, grâce à cette ce côté faux documentaire. Ouais. Donc Alexius, c'était vraiment en liberté totale. Au début, je me suis dit pourquoi il fait ça. C'est quand même une démarche assez particulière, très casse-gueule finalement. Mm-hmm. Et en fait, ça permet à Alex, au réalisateur, d'avoir une liberté de ton de la première à la dernière seconde. Et j'ai très vite compris que c'était pas un film, parce que ça aurait pu tomber là-dedans. Hein. Il le réalise, il joue dedans, il se grime, parce que bah, dedans, forcément, il joue Guy Jamais vieux. Donc, du coup, il y a 5 heures de maquillage derrière. Mmh. Quand on voit, c'est assez impressionnant à l'écran. C'est qu'à aucun moment on voit Alex Lutz, on voit vraiment un vieux chanteur. Pas has-been, mais un chanteur qui a eu son temps et qui en gros regarde dans le rétroviseur l'état du pays, l'état de la musique aujourd'hui, ouais. Et qui fait un peu la bonne morale et tout, qui voilà. Et je trouve que c'est un film qui est très intéressant et qui est très profond sur son questionnement sur la vie, parce que finalement tout ça mène à ça, hein. C'est quand même un film sur le temps qui passe, mm-hmm. sur qu'est-ce qu'on fait des choses qu'on a aimées dans le passé, qu'on laisse derrière nous, est-ce qu'on les emporte avec nous dans la tombe, qu'est-ce qui restera de nous une fois qu'on sera mort, qui se souviendra encore de nous. Et moi qui suis assez sensible à ces questions-là, mm-hmm. Je peux vous dire que le film m'a vraiment touché. Il est vraiment surprenant parce que vu que c'est un chanteur fictif, il faut qu'on puisse croire que Guy Jamais a connu Claude François, qu'on puisse croire mmh. que ce Guy Jamais qui a chanté des chansons, alors Alexus a chanté aussi pendant le film des chansons qu'on pourrait penser parodiques, mais que j'écoute dans ma playlist actuellement parce qu'elles sont vachement bien, vraiment. Okay. Non, c'est des chansons qui sont un peu d'époque, quoi, mmh. avec le côté un peu kitschounet, oui. Mélodique ouais. et tout. Mais je trouve que la BO est vraiment très bien et on y croit. Je suis sorti de ce film-là en me disant bon, bah allez, je vais écouter le best-of de Guy Jamais. Aujourd'hui, pour moi, Guy Jamais est un chanteur réel qui a existé en France et dont j'ai vu hein, les mémoires il n'y a pas longtemps ouais. au cinéma. Ouais, ouais, et je trouve que la démarche est folle, elle est hyper casse-gueule, mais il s'en sort vachement bien. Ouais. En termes d'interprétation, il est impérial, il est émouvant. Il y a une scène où il explose de colère en lui disant tu te moques de moi, je sais très bien que tu es en train de te foutre de ma gueule, tu es en train de regarder un vieux débris et tout. Enfin, Alex, il y a une émotion dans son regard qui est incroyable et j'espère vraiment qu'il sera nommé au César mm-hmm. Parce que bah il le mérite vraiment. C'est un acteur caméléon pour le coup qui aime bien se grimer parce qu'il joue aussi dans Catherine et Liliane, la pastille courte de Canal+ là. Mm-hmm. Donc c'est un acteur qui aime se grimer je trouve que ça amorce quelque chose sur la morale, sur la vie, sur le temps qui passe. La fin, les deux dernières minutes, j'étais en larmes, clairement. Okay. J'ai trouvé ça, mais très beau. C'est un beau projet qu'il faut soutenir, je pense, qu'il faut voir, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. C'est drôle aussi. Pas se mentir, c'est drôle. Alors toi, Eddy, qui n'aime pas Claude François, je peux te garantir qu'à un moment donné, Guy Jamais, il tacle Claude François comme jamais j'ai entendu un chanteur le tacler. Ouais, comme jamais, voilà. Comme jamais j'ai entendu quelqu'un le tacler et tout. Donc si t'aimes pas Claude François, tu vas vraiment jubiler de la scène. Et c'est un film très intéressant. Ça aurait pu être un délire de mégalomanie, tout ça, ouais. en une crise d'ego. Mais non, il y a un vrai parti pré-artistique, il y a une vraie démarche. Et puis c'est un peu un ovni dans le cinéma français. Ouais. Donc franchement, faut y aller. Est-ce que la démarche est un peu la Sacha Baron Cohen on pourrait comparer à ça ou pas? En moins burlesque quand ouais. même. Hein. Mais oui, finalement. Bah, à la démarche de Sacha Baron Cohen, c'est que lui, il pousse le truc jusqu'au oui. bout. Sacha Baron Cohen, il va sur les plateaux télé en tant que personnage oui. principal de son film. Ouais. Dans donc, Borat, il marque pas du c'est des vrais distance. Gens. C'est pas, et, ouais, Borat et Bruno, c'est des vrais gens, c'est pas des acteurs. Donc, oui, ouais. voilà. Bon, là, dans le film, on voit Julien Clerc, on voit des chanteurs d'accord, et tout. Ouais. On voit Michel Drucker et tout. Enfin. Il y a aussi une espèce de petite, pas une petite critique, mais un côté un peu pastiche sur, on va dire, l'industrie musicale d'aujourd'hui. Enfin, ces chanteurs là qui se voient, qui se font la bise et tout. En gros, quand ils composent des chansons, c'est les plus grands amis du monde. Mmh. Et puis, une fois que la chanson est terminée, bon bah, ouais, ouais, ouais. au revoir quoi. Ils sont voilà. Donc peut-être que voilà, je sais pas, je trouve que c'est un film assez complet finalement, assez complexe aussi, mais j'ai trouvé super intéressant à regarder. Il y a peut-être 20 minutes de trop, ça dure 1h45 je crois, ou 1h40 je sais plus, Il aurait duré une heure et demie, ça aurait été peut-être mieux, mais vraiment, quel film, quoi. J'ai été vraiment bluffé, quoi. Ok, ben, tu m'as donné envie de le voir, alors que de base, j'aime pas Alex Lutz, donc voilà. C'est... Moi, je suis pas un plus grand fan non plus, mais... C'est assez... Non, mais j'essaierai de le voir. Ouais, franchement, ça me plaît, ce genre de démarche, donc... Ah ouais, faut le voir, ouais. Hein, franchement, c'est intéressant. Donc, voilà, on est au bout. On a fait 2 heures quasiment d'enregistrement, donc c'est parfait pour une rentrée. Donc, merci à vous deux déjà d'avoir pris de votre temps pour faire ce bilan de l'été. Merci à vous tous d'avoir écouté. On va vous rappeler un peu tous, puisque j'espère que vous n'avez pas oublié, mais on va vous rappeler un petit peu où est-ce que vous pouvez nous retrouver, pardon. Les critiques écrites et les podcasts audio, vidéo, etc. C'est sur moviesnerd.net, c'est un peu le centre névralgique. Autour, il y a les réseaux sociaux, donc il y a Facebook, Twitter. Sur Facebook, c'est moviesnerd tout court, et sur Twitter, c'est movies_nerd. Vous pouvez nous écrire sur notre boîte mail contact@moviesnerd.net pour toute demande, etc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Ah oui, notez le podcast sur iTunes et PodCloud pour nous faire monter dans les classements. J'ai vu qu'on est monté un petit peu sur PodCloud, donc c'est super. Continuez, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et puis moi, personnellement, vous pouvez me retrouver, comme je l'ai dit, je suis plus trop sur Twitter, mais un peu plus sur Sens Critique, donc c'est TheLexal, THELUXAN. Et sur Steam, c'est la même chose. Voilà. Eddie. Moi aussi, donc sur Sens Critique, sur YouTube, sur Twitter, sur Steam, et sur Movies Nerd, c'est Eastark partout. Eastark partout. Et Morgan. Bah moi sur Twitter, donc @CinéMorgan, sur Facebook, Morgan Sheridan. Mm-hmm. C'est tout, je crois. Plus de vodcaster, plus. Non, j'ai plus de vodcaster, okay. Non, j'ai arrêté les micro-critiques. Ok. Je le faisais pas spontanément, j'en avais trop en retard. Oui, ok, très bien. Voilà, bon, du coup, on se donne rendez-vous dans un peu moins d'un mois, on espère, pour le podcast. On retourne à la formule habituelle, avec cette fois-ci le podcast dédié au film sorti en septembre. Donc on vous donne rendez-vous pour ça, et puis on vous dit à la prochaine. Salut. Salut. Au revoir.